Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Dans ton cube. Donc comme la dernière fois nous allons parler de Kubernetes, nous allons parler vraiment techniquement de Kubernetes. On est quatre autour de la table, on a un programme assez chargé, donc on va vous parler des dernières nouveautés de Kubernetes de la 1.10. Nous allons avoir un sujet où on va essayer de comparer un peu Kubernetes et OpenStack. Alors là, je vous le dis tout de suite, ça va sans doute parler troll très vite. De mauvaise foi, bien évidemment. Voilà, bah, vous allez le voir. On va essayer de parler d'un outil qu'on a vu passer, Scaffold, donc qui est dédié au développement et comment développer plus facilement avec Kubernetes. On va parler aussi de la connectivité des pods. C'est un sujet qui revient souvent. Comment on interconnecte les pods et quelle est la topologie réseau qu'on peut utiliser. Et enfin, on va essayer un peu de parler de formation et comment on peut apprendre à travailler avec Kubernetes. Mais avant, on va présenter les quatre personnes que je vous ai teasées juste avant. Donc à ma gauche, on a Félix. Bonjour, donc Félix Cantournet, moi je suis SRE chez Le Bon Coin et ça fait à peu près 3 ans que je bidouille avec Kubernetes et là donc chez Le Bon Coin on est sur une phase d'adoption quoi. On a des clusters de pré-prod, on monte notre cluster de pré-prod de prod en ce moment et on commence à migrer des workloads. Ok, donc dans la première phase d'intégration de Kubernetes. Enfin, en face de moi, on a Nicolas. Nicolas Bernard, de chez Humanity. En ce moment, j'accompagne une boîte qui s'appelle Rhythmix, que vous connaissez peut-être pas, enfin sûrement pas d'ailleurs, c'est une filiale de la SNCF qui bosse notamment sur tout ce qu'il y a derrière, enfin, une partie des choses derrière la billettique, billets de train, de bus, d'autres trucs. Et on est justement en train aussi d'avancer sur l'infra next-gen, on va dire, pour la boîte et... c'est du cube sans surprise. Ok, super. Donc on voit bien que même les sociétés dites publiques qui sont dans la rue sont aussi sur Kubernetes. La SNCF a... Alors nous, c'est pas toute la SNCF, c'est juste pour nous, mais la SNCF a une volonté, je crois que c'est public complètement, de se moderniser sur ses infra informatiques. Et il y a un vrai élan en ce moment. Donc nous, on surfe un peu sur cette vague-là. Et c'est pas mal. Super. À ma droite, on a un petit nouveau qui était là ni dans les DevOps ni dans ton cube. Donc, enfin, c'est un grand nouveau en vrai. Ouais, en vrai, oui. Si vous voyez, c'est un grand nouveau. Donc Simon. Bonjour, Simon l'Allemand, 2 mètres, et je travaille en tant que SRE chez BlaBlaCar. Tu aurais dû rester à 2 mètres, c'était parfait. Moi, j'aurais rien rajouté. 2 mètres de SRE. Prenez ça. Voilà. Prenez vos 2 mètres. Donc BlaBlaCar, on s'est lancé dans les conteneurs à peu près en 2015. Et là, l'idée en ce moment, c'est de les envoyer un peu tous dans Kube pour profiter un petit peu de toute l'accélération du phénomène Kube autour et tout ce qui se développe autour et de se raccrocher là-dessus. Voilà. Je pense qu'on arrivera à en reparler dans les autres sujets. Et enfin, moi, donc Guillaume Letron, et donc vous m'avez déjà entendu tellement dans les autres podcasts que j'ai du mal encore à me représenter. Mais en tout cas, dans Kubernetes, on a travaillé sur Kube, notamment avec Félix et Nicolas. On a donc depuis 3 ans. Et là, en ce moment, donc je suis freelance sur Kubernetes. Et j'essaye aussi de créer un projet autour du déploiement. On l'avait un peu teasé la dernière fois. Et je pense que j'en parlerai pas encore cette fois. Ce sera sans doute pour le prochain numéro. On va voir comment ça se passe. T'es vraiment une allumeuse. Ouais, c'est à peu près ça. Mais tu vois, je donne même pas le nom. Donc, je suis une allumeuse qui donne même pas les tarifs. Donc, c'est chaud. Bref. Et alors d'abord, j'aimerais revenir un peu donc sur le podcast. On a quelques annonces à faire. Alors déjà, peut-être que vous l'avez, déjà vous le savez là, puisqu'on donc on a un nouveau podcast dans ton cube, à la différence de DevOps. Pour mettre tout ça ensemble, on a créé une petite organisation qui s'appelle P7T. Donc si jamais vous voyez un peu, ça fait podcast. Il y a un pattern. Il y a un pattern qui ressemble beaucoup à Q8S, voilà, on ne vous dira pas comment. Mais voilà, donc P7T.tech. K8S, hein. Q8S c'est sûrement oui, chose. Oui, c'est ça, oui, bon... On l'a compris. Et après, au sur de ça, donc on a surtout les trucs assez cool. Pour ceux qui nous le demandaient depuis longtemps, on a un vrai RSS, pas un truc sorti de SoundCloud sans tout dedans. Donc il y a un vrai RSS qui marche super bien. Si jamais vous avez un outil pour lire proprement vos podcasts, ça marchera super bien. C'est hébergé par pipa.io. Voilà, je suis un peu de pub. Je suis même pas payé. En plus, c'est moi qui paye. Bref, il faudra que je regarde ça. Et on est même à l'heure actuelle sur Deezer. Donc vous pouvez même aller sur Deezer. Vous nous trouverez. Le podcast sera bien intégré Donc c'est plutôt cool. Et je vous dirai quand on sera sur iTunes, mais normalement ça devrait être dans pas longtemps. Si t'as un vrai flux RSS, ça devrait aller vite derrière, ouais. Normalement, c'est la demande est faite, en fait. Donc ça arrivera, mais je peux pas. Je pensais que ça arriverait là pour maintenant, mais je peux pas le dire encore, mais normalement ça devrait arriver. Voilà un peu pour toutes les annonces. N'hésitez pas si vous voulez participer. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des questions, des choses dont on pourrait répondre pendant le podcast. Là, vraiment, là, le but, c'est vraiment d'être ultra technique autour de Kubernetes dans celui-ci et plus généralement des conteneurs. On n'est pas complètement fermé. On pourrait répondre à quelque chose On pourra parler de quoi c'est moins bien que Cube, c'est ça? Je dirais pas. Oui, c'est vrai. En plus, je fais une formation. Bref, on dira rien. J'en parlerai une prochaine fois ou dans la partie dédiée aux formations. Mais d'abord, on va passer donc sur quelque chose d'actualité très récente, puisque c'est la release de l'indice 10 qui est pas encore faite. On est encore en bêta, non, en RC 4, d'ailleurs. RC1, ouais. Je crois qu'on est en RC1. On est passé en RC1. Ouais. Mais voilà, on a un peu envie de vous dire qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans la release indice. Et c'est Nicolas qui va vous teaser un peu sur ce qu'il a vu comme truc cool. Il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a des choses orientées déploiement. C'est vrai qu'en parallèle des features, il y a toujours des choses orientées infra, bootstrapping. Ops, un peu. Ops, fait. Voilà, parce que finalement, c'est toujours pas un projet qui est trivial à déployer. Il y a des choses... alors, on va y aller, on va pas zoomer sur tous les trucs. Hein. C'est vraiment pour donner une idée de ce qu'il y a dedans. Il y a des choses dans le kubelet pour simplifier la configuration TLS, on peut mutualiser un peu la diffusion et la génération des certificats. Sachant que tous les composants ont des certificats entre eux, enfin en tout cas pour communiquer. Ça. Au fur et à mesure, ils obligent vraiment la moindre communication à se faire en TLS. Au tout début de Kube, il y avait des trucs assez ouverts, maintenant il faut mettre du TLS partout. Et ils simplifient un peu cette configuration, enfin comment on fait des certifs, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément taqué, même s'il serait temps de s'y mettre, parce que le moindre truc avec des API maintenant HTTP2 déjà HTTP2 puis même tous les trucs internes quoi, tout le monde demande de mettre des certificats partout et c'est vraiment une très bonne idée, une très bonne pratique. Là c'est de l'authentification mutuelle en plus, là c'est dans les deux sens, voilà. Ils ont fait des choses niveau sécurité, typiquement les nodes pourront, ils avaient des accès un peu open bar à l'API, en mode ils avaient le droit de demander des trucs de nodes, mais de tous les nodes. Potentiellement, demain, ils pourront être restreints qu'à eux-mêmes, ce qui est assez logique, ce qui va sûrement ouvrir la voie à des choses un peu plus sympas pour faire du multi-tenant, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas d'idée précise en tête, de use case précis en tête, mais pour la sécu, c'est bon et ça évitera des blagues. Peut-être s'il y a des escapes sur un node, on pourra moins savoir de choses ou je sais pas. Niveau réseau, de manière générale, il y a des trucs vraiment très sympas. Les kubelets, par exemple, pourront configurer le resolve.conf de leur node. Il y a des use cases où c'est intéressant de pouvoir toucher à la conf réseau qui est dessous de manière centralisée. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est la notion de topology awareness. Si vous faites des choses d'un point de vue fédération ou en tout cas qu'il y a des... que tous vos nodes sont pas juste des serveurs physiques du même rack, de la même armoire, qu'il y ait une notion géographique, il y aura une notion de savoir qui est-ce qui est prêt ou moins prêt, et de privilégier des routes réseau plus courtes, plus rapides, donc avec moins de latence. Ça veut dire pour de l'achat dans l'autre sens, essayer d'être le plus prédé sur ton cluster, dans ton DC. Il me semble que ça existe déjà plus ou moins sur le scheduling. Donc là, ça existe sur le scheduling. Là, c'est vraiment le truc va te découvrir en mesurant ce qui passe, voir qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui est prêt. Un peu comme faisait. Là, c'est carrément de la tomographie à la consule 0.8 ou un truc comme ça. Alors, je pensais à ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu le mot tomographie, donc peut-être qu'il faut le dire soi-même, mais en tout cas, il y a une notion de topology awareness pour savoir qu'est-ce qui est près ou loin. Je sais pas s'il le découvre lui-même ou pas, peut-être que... Ouais, d'accord, okay. C'est peut-être déclaratif, mais... Mais au moins, on pourra privilégier des chemins par rapport à d'autres, et je pense que ça veut dire qu'ils veulent commencer à adresser les use cases à base de gens qui ont des gros clusters un petit peu... Il y avait déjà un truc... Il me semble qu'il y avait déjà un concept de pouvoir... avoir ton kube proxy qui, quand tu l'utilises comme load balancer, qui privilégie les pods locaux. Ça, c'était peut-être facile à faire automatiquement en même temps. Ça, je crois qu'ils trichaient parce qu'ils pouvaient le déléguer à iPetable ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait une... ouais, je crois qu'il me semble qu'il y avait déjà un truc comme ça. Je pense qu'ils trichaient, mais ils utilisaient le CIDR du. Oui, mais après, si jamais tu dois aller taper dans un pod distant, c'est vrai que tu préférerais taper dans celui qui est dans ton rack ou celui qui est à côté de toi plutôt que d'aller à l'autre bout de ton DC pour aller choper une ressource en plus. Ouais, non, mais j'entends que ce soit hyper. Bon, après, il faudra peut-être aller voir peut-être cette feature-là si jamais elle vous intéresse. Ouais. Il y a un truc vraiment intéressant qui est plus dans le réseau, qui est côté API, c'est. On sent vraiment qu'il y a un élan sur les webhooks internes pour faire de l'admission ou de la validation. Et là, il y a des nouveaux types de validateurs qui sont hébergeables directement à l'intérieur du cluster. Ouais. Donc en l'occurrence, c'est l'autoriseur webhook. Donc on va pouvoir faire de la sécu en mode... je passe pas un flag à un binaire Go de Kubernetes à base de je déploie un truc custom à moi et je le configure quand je veux, je le touche quand je veux. On va pouvoir faire de plus en plus de sécu à base de voilà de petits contrôleurs ou autoriseurs self-hébergés dans le cluster et on va commencer à faire des vrais trucs d'un point de vue sécurité et encore une fois peut-être d'un point de vue multi-tenant on a plus d'outils pour faire des choses un peu bien. Il y a un truc super intéressant côté stockage, c'est que c'est un peu la jungle la gestion du code des plugins stockage. Et là, ils vont les séparer du repo central. Donc, ils vont pouvoir vivre leur propre vie. Et on sait que c'était vraiment un des aspects où c'était un peu le bordel, la gestion, la gouvernance. Chacun mettait un peu ce qu'il voulait. Ouais, il y avait genre 25 ou je sais pas combien de back-end. Et en plus, c'était fourbe un peu parce que du coup, les gens qui étaient rentrés suffisamment tôt, comme ils étaient déjà là, on leur demandait pas de partir. Mais du coup, il y avait aussi les éventuels nouveaux qui eux avaient besoin de démontrer que c'était logique qu'ils soient intégrés. Donc c'était ça faisait un truc à deux vitesses qui était pas ouf. Quoi. C'est la logique un peu qu'on avait eu le problème avec les cloud providers et avec justement le fait de retirer la logique des cloud providers. Ça, je pense qu'on aura un sujet là-dessus, soit dans les gestions du déploiement, soit la gestion de la différence entre les clusters, mais je pense ça pour la prochaine fois. Et du coup, ça veut dire que donc s'ils sortent tous les providers storage, ça veut dire qu'ils adoptent CSI comme interface d'intégration ? Ouais, CSI, il passe en bêta pour l'occasion, il me semble. D'accord. Donc ça, on est en train de valider ce truc-là et on en profite pour faire du ménage, du tri, du rangement côté GitHub. C'est intéressant. Sur le stockage aussi, il y a... Je fais à moitié en anglais, en français. Sur le stockage, il y a un truc par rapport aux volumes locaux. Jusqu'à maintenant, peu de choses près, c'était considéré comme sale, interdit, en mode un pod... logiquement, on peut être schedulé à n'importe quel moment ailleurs, donc c'est pas bien de dépendre des disques durs du node qui est en dessous. Sauf qu'en fait, tout le monde veut le faire, parce qu'il y a plein de cas où c'est pratique, et où c'est pas grave, et c'est mieux. Il y avait déjà une notion de monter un chemin du node dessous, voilà. Mais là, ils font des vrais volumes avec la vraie API des volumes locaux. Ouais, ils font des PV locaux, ouais. Ça, donc... pourquoi pas, ça permettra de faire de profiter, enfin avoir le use case du disque dur local au node, mais sans devoir le mettre hardcodé dans la fiche de déploiement. Là, ça sera un manifeste dédié au PV à côté, donc ça sera peut-être plus simple. Pour déployer des éphémérôles. Ouais, pour déployer un truc comme CockroachDB ou même peut-être Elasticsearch d'ailleurs. Je pense que c'est pas mal. Enfin, vraiment un truc distribué où de toute façon tu veux que la réplication soit faite par l'applicatif, quoi. Et il est capable de faire de la reconstruction de données de manière assez efficace. Et ça, je pense que ça peut être vraiment un super bon truc. Et j'ai deux derniers trucs dont j'ai envie de parler pour pas qu'on fasse tout le changelog de link par link non plus. Il y a la configuration dynamique des kubelets. Donc on va pouvoir déployer des kubelets avec vachement moins d'informations et ils demanderont à l'API serveur leur config. Ce qui veut dire qu'on pourra la centraliser mieux, on pourra la changer en cours de route, elle sera propagée, et ça devrait simplifier... C'est même possible d'ailleurs de les booter avec des configurations, et si plus tard après ils récupèrent une nouvelle configuration, ils se reload avec ça. Donc on peut même le lancer avec une première configuration et la faire évoluer en cours de vie. Ouais, ça veut dire que si demain vous faites un cluster chez vous, vous le déployez avec Ansible, bah vous n'êtes pas obligé de mettre à jour forcément votre template quand vous faites un changement, ça peut être dicté par l'API serveur et... c'est encore dans cette veine de simplifier un peu la création de cluster soi-même. Pour les gens qui font du cube as a service, ils le verront pas, mais pour tous ceux qui ont besoin de le faire eux-mêmes, c'est sympa. Et dernier truc dont je voulais parler, c'est les conteneurs de debug. Il va y avoir une feature pour pouvoir qui est vraiment faite. On pouvait déjà le faire un peu en connaissant comment ça marche, mais on va pouvoir lancer spécifiquement dans un pod existant un conteneur de debug qui va se rattacher comme il faut à tout ce qu'il y a besoin niveau namespace, IPC, etc. pour aller faire du debug au besoin, quoi. Donc en gros, il récupérerait tout sauf le file system comme namespace. J'ai pas regardé exactement. Je sais pas, mais il y a un vrai besoin là-dessus. C'est en alpha, c'est tout récent. Mais le but, c'est de pouvoir avoir accès aux binaires dont tu as besoin pour débugger sans forcément les mettre par défaut dans les images de tes ouais, ça peut-être d'ailleurs de cool. pouvoir spawner le conteneur à la volée, non enfin, c'est dans le pod, c'est-à-dire de. C'est ça, on rajoute un conteneur dans le pod qui aura accès à tout ce qu'il y a besoin et du coup tu pourras lancer ton shell dedans, accéder aux binaires. Et sans avoir besoin de reschéduler un nouveau pod. Donc l'espèce de kubectl debug qui va implémenter cette feature, c'est un truc qui va patcher plus ou moins en live le. Le déploiement pour rajouter quelque chose. Ok, cool. Tu rajoutes sur un nœud, enfin dans un pod particulier, je pense, ça doit être quelque chose comme ça. Oui, c'est un des intérêts d'avoir les pods mutables dans Kubernetes, c'est justement de rajouter des pods à voler pour faire ce genre d'opération. D'accord. Parce qu'avant, on était obligé de faire plutôt au niveau du node et d'avoir un. En quelque sorte, un conteneur qui a accès à tous les namespaces et tout ça du host pour pouvoir aller débugger un conteneur en particulier. Mais là, d'un point de vue sécurité, c'est pas forcément souhaitable. Donc, c'est mieux d'être juste dans le pod concerné. Ok, ouais. Finalement, c'est à regarder un peu. Et l'intérêt de la commande, c'est que du coup, on pouvait le faire avant, mais là, ça bypasse tout ce qui est limite du scheduler. Si tu dépasses la mémoire, on te laisse le faire quand même parce que t'en as besoin. Enfin, il y avait tous ces trucs-là qu'il fallait pouvoir outrepasser pour que ça fonctionne. Et donc, je crois que c'est ça que ça implémente. Faudra aller voir, mais ça devrait simplifier le debug en live des déploiements, quoi. Ok, ouais, super. De toute façon, si la feature est intéressante, on en parlera dans une prochaine chronique, hein, forcément. Ça reviendra une fois qu'on l'aura utilisé. Ouais. Oui, voilà, ça reviendra. C'est pas encore sorti de toute façon, mais ça devrait pas tarder. On pourra jouer avec et faire un retour éventuellement si ça nous change la vie, si on a une anecdote un peu sympa. Super. Alors maintenant, on a quelque chose d'un peu plus trollesque. C'est assez marrant, on en a déjà un peu parlé quand vous avez parlé dans le changelog de l'indice, de tout ce qui était gouvernance. Et quand on parle gouvernance, alors peut-être que c'est parce qu'on a une expérience qui est un peu biaisée, mais en tout cas, un énorme projet qui avait des énormes problèmes de gouvernance, c'est OpenStack. Et donc on essaye, donc là c'est Nicolas qui veut encore parler de ça. Je pense que tu vas pouvoir aller dessus. Moi, mon angle de base, c'était pas la gouvernance, mais on sait que ça va dévier là-dessus. Et peut-être que c'est lié d'un certain côté, mais... Moi, le titre original, c'était « Est-ce que Kubernetes est le jumeau maléfique d'OpenStack ?» Et vraiment, jumeau dans le sens un peu miroir, c'est-à-dire que, encore une fois, moi aussi, j'ai peut-être ce biais-là. Il y a quelques années, je ne sais pas si ça a amélioré, je crois que oui, OpenStack avait la réputation d'être un truc fait par des devs, avec un langage de dev pour des ops. Enfin, un truc fait par des devs avec un langage de dev, ouais, ok. Et qui, au final, tombait sur les pieds des ops, en gros. Oui. Mais ouais. Pour faire des travaux initialement, historiquement, pas d'ops. Le client d'OpenStack, c'était des ops. C'était des gens qui montaient des infras. C'était pas des devs dans leur coin qui avaient forcément intérêt à faire de l'OpenStack avec tous les composants. Oui. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une tangente, je suis désolé, mais je pense que tu as complètement raison. C'était le cas en pratique. Mais ça, c'était la conséquence d'un échec, entre guillemets, ou d'une faiblesse d'OpenStack, qui était qu'au final, même si quand tu fais du IaaS, en fait, et c'est la même chose pour AWS et GCP, bah, en vrai, le IaaS, en mode je fais des VM, je crée des réseaux, etc., ce niveau-là d'abstraction, en fait, est beaucoup trop bas pour que tu puisses le filer à des gens dont c'est pas le métier à temps plein de s'occuper de ça, en fait. Ouais, moi je dis plus dans le sens où c'était développé par des gens qui avaient a priori eu peu d'expérience de prod d'administration de sujets comme ça, d'infrastructure. Et du coup, je vais le parler à Kubernetes, j'ai l'impression que c'est l'inverse sur le côté, c'est peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est fait, développé essentiellement par des ops ou des gens qui viennent de l'ops dans un langage qui a une réputation d'ops en ce moment, Go, et le client c'est les devs. On a les gens qui font Kubernetes, ils disent on le pense pour les devs, on essaye de faire des briques de Lego pour les devs, et c'est en sac, pour moi c'est un espèce de miroir, et j'ai l'impression que bah, la même surprise qu'ont eu certains ops en mode ah mais ça marche pas si bien que ça OpenStack, moi je la vis avec mes devs qui disent ah mais en fait il y a des choses que dans la doc il y a marqué que ça marche et puis en vrai ça marche pas si bien que ça, et bah, c'est pas bizarre, le projet est jeune, il y a pas encore beaucoup de retours etc, et il faut que ça vienne, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir l'image qui se répète avec les trois variables que j'ai dit qui sont inversées et qui changent de camp quoi, et je trouvais ça marrant. Clairement, je dis ça parce que je suis énervé et qu'il y en a certaines que j'ai mangées et je dis c'est dommage, ça aurait dû mieux marcher que ça. Mais je constate que c'est vrai pour l'instant. Je ne doute pas que ça va s'améliorer. J'avais quelques exemples concrets à donner pour parce que ça peut vous servir si vous croisez ces trucs-là. Un truc qui me paraît vraiment important, parce que ça va toucher sûrement beaucoup de monde, c'est à quel point on nous vend les ingress comme un truc vraiment... super bien, super utile. Ce que je comprends, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font leur infra, qui éditent des choses liées au web, des services web, etc. Donc, c'est pas bizarre que le premier protocole L7 qui soit First Class Citizen dans Kubernetes soit HTTP. Mais au final, les ingress controllers sont à peu près tous pas secs. Ne partez pas du principe que même le plus avancé, le plus mûr, celui qui a la meilleure réputation, va marcher pile poil comme vous le pensez, vous allez avoir des blagues. Le truc classique, grosso modo, il y a deux types d'ingress controllers aujourd'hui. Il y a ceux qui sont cloud native, on va dire, ceux qui sont un peu récents, ceux qui sont faits pour ces solutions un peu modernes, qui savent se reconfigurer à la volée, quasiment en temps réel, qui savent par exemple watcher les API de Kubernetes avec ou pas un composant milieu, mais je pense à Trific ou à Contour, Ambassador, Traveler, je crois que c'est pareil, il y en a plein où soit c'est un binaire Go qui sait parler à Kubernetes type Trific, soit c'est Envoy qui est fait pour être reconfigurable à la volée, qui parle à un sidecar pour savoir se reconfigurer. Ambassador c'est ça, Contour c'est ça, sa première famille, donc les modernes, cloud native, etc. Où il y a l'autre famille, c'est les anciens softs qui font du load balancing depuis très longtemps et qui sont wrappés par un truc qui va watcher Kubernetes, réécrire la conf avec un système de templating et reload le truc. Donc là, les deux plus connus, c'est Nginx et HAProxy qui font ça plus ou moins correctement. Et quel que soit l'implème que vous choisissez pour votre ingress controller, même Nginx qui est sûrement le plus neuf, vous allez avoir des blagues, il y a plein de use cases qui sont pas forcément décrits dans la doc, vous allez vous les manger. C'est pas grave, c'est normal, c'est jeune, mais ça va arriver, vous aurez des blagues. Moi, j'ai une anecdote classique. J'ai eu besoin récemment d'exposer, enfin mon équipe, hein, c'est pas forcément un truc que j'ai fait moi-même tous, mais d'exposer des ingress pour des choses sur mobile, une application, enfin un back-end API pour une application mobile. On a une liste de choses de clients qu'on doit supporter, typiquement Android version, il y a longtemps. Android version il y a longtemps, il a un client HTTPS tout pourri, il veut un vieux TLS tout naze, et si vous voulez que ça marche bien, il faut overrider des flags pour supporter des vieilles versions de TLS que vous n'avez plus le droit, limite SSL, je ne sais plus, enfin un vieux truc. Et bien si vous le faites, c'est pas configuré par service, par client, par machin, c'est tout votre ingress controller qui va être affecté. Donc la première règle qui est importante, c'est vous aurez jamais, enfin a priori, un seul ingress controller. Il faudra souvent avoir plusieurs instances qui sont spécifiques parce que par défaut, on n'a pas la granularité pour configurer. Pareil si vous faites par exemple des WebSockets, surtout sur les systèmes type Nginx, vu que c'est celui qui le supporte le mieux. Nginx, quand vous le reconfigurez, vous changez sa conf, vous le faites un reload, il fait pas vraiment un reload en fait, les workers vont forker, les nouveaux ils vont lire la nouvelle conf, les vieux ils vont finir traiter leur requête et quitter, sauf que en fait, si vous faites du WebSocket, bah, les vieux, ça se trouve, leur requête actuelle, elle va mettre 2 heures à se finir. Ça veut dire que pendant 2 heures, vous aurez le vieux worker et le nouveau. Sauf que votre cluster Kubernetes, s'il vit, ça se trouve, vous aurez X changements de config par minute. Ça se trouve, vous aurez 20, 30, 50, 300 générations de workers qui vont vivre en même temps. Vous aurez une espèce de leak. Votre pod, il va se remplir de vieux workers tout pourris et à un moment, il va exploser. Du coup, bah pareil, pour pas avoir ce problème-là, et ben vous faites une instance de Nginx dédiée aux routes WebSocket dans un autre truc. Ça se trouve, celle-ci, elle change pas. Ça se trouve, vos routes WebSocket, elles changent jamais. C'est les routes plus statiques, plus classiques, qui changent régulièrement, qui forcent des restarts. Et vous allez isoler comme ça. Il y a plein d'exemples de corner case un peu comme ça, auxquels on penserait pas a priori. Soit c'est de l'implémentation technique qui leak, soit c'est un truc qui est pas implémenté. Il y a des softs, typiquement, qui savent aller récupérer les certificats dans des secrets ou des config maps quand on les lance, très bien, mais ils savent mal surveiller quand c'est mis à jour, ils savent pas les mettre à jour. C'est super embêtant, maintenant que tout le monde fait du Let's Encrypt, potentiellement, enfin, dans le cas normal, votre certificat, il est mis à jour tous les 2 mois. S'il faut rebooter votre truc tous les 2 mois, c'est un peu chiant, vous aimez bien que ça le watch et que ça sache le recharger à chaud. Ben, il y en a plein qui savent pas faire. Il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas aussi bien que ça devrait marcher naturellement. Enfin, on pourrait penser par bon sens que ça gère tout. Pas du tout. C'est très, très récent. Il ne faut pas hésiter à faire les tickets, etc. Y a des blagues comme ça. Et il y en a sur plein de sujets. Moi, j'ai 2 remarques. Je vais déjà en faire une, en fait, sur ce que tu as dit. Déjà, c'est vrai. C'est clairement, pour qui a touché déjà un cluster cube, il y a toujours un petit moment faut aller voir des fois le code pour aller voir vraiment ce qui se passe, parce que tout n'est pas forcément indiqué. Moi, la remarque là que j'ai, c'est peut-être je vais prendre la deuxième sur ce que tu parlais à la fin. Par exemple, donc sur les watch, sur les ingress, etc. Ce qui se passe, et ce que j'ai l'impression que c'est le cas souvent, il y a quelque chose, je digresse encore, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est le fait que tu trouvais que sur Internet, les docs disaient ça marche, et en fait, quand on le fait soi-même, en fait, ça ne marche pas vraiment comme tous les blog posts qu'on voit sur le net par là. En fait, ce que je pense, et en tout cas de ce que je vois à l'heure actuelle dans le trending qu'a Kubernetes, c'est que souvent les gens prennent en fait leur ancien workload qui marchait, quand ça marchait, ils étaient réveillés, allez, si jamais c'était une fois par semaine, c'était cool. En fait, Kubernetes n'est qu'une amélioration de cet ancien workload-là pour eux. C'est-à-dire que là où avant ils étaient réveillés une fois par semaine, si maintenant ils sont réveillés qu'une fois toutes les 2 semaines, bah ils sont contents. Et ça pour eux, c'est un blog post qui suffit largement en soi de passer à Kubernetes. Toi, ce que t'aimerais, c'est... En fait, t'as une grande aspiration à ce que peut être Cube, en fait, vraiment. Si jamais en respectant bien l'API, en respectant bien ce qui doit être fait, en fait, normalement, il devrait y avoir 0. Ne jamais se réveiller. Moi, je suis d'accord. En fait, encore une fois, je trouve pas ça bizarre parce que c'est jeune. Je dis juste, testez. Faites pas confiance aveuglément. Un exemple encore. Des fois, il vous dit, pour faire un certif, faites comme ça. Tu le fais. Ça fonctionne comme dans le blog post. Et en fait, t'aperçois que quand il y en a plus de, je sais pas, 10, d'un coup, ça marche plus parce qu'il y a une hard limit. Tu sais pas d'où elle sort, qui est pas dans la doc nulle part, et en fait, quand ça marche pour un, ça marche pas forcément pour 10 ressources d'affilée. Faut tout tester, en fait. Je suis entièrement d'accord. Mais là, en fait, ce que je pense, en fait, c'est que le besoin que t'exprimes dans Kubernetes, en fait, on est très peu à l'avoir. En fait, je pense vraiment que les besoins que tu exprimes sont des besoins qui sont tout à fait légitimes, qui sont bons en plus, parce que ça veut dire vraiment que t'as envie d'utiliser l'outil tel que, à son plein potentiel. Mais je pense vraiment que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, utilisent Kubernetes à peut-être 10% de ses fonctionnalités. Enfin, c'est-à-dire avec des fonctionnalités assez basiques. Et donc, en fait, le besoin que toi t'exprimes, beaucoup de gens l'ont pas et ne le comprennent pas forcément. Ouais, ça veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais. C'est juste d'exprimer un peu pourquoi on en entend moins parler ce que tu dis. Je suis pas archi convaincu par le dernier truc. Donc l'API Kubernetes, elle est hyper large. Il y a plein d'objets qui font plein de choses différentes. Je pense que l'immense majorité des gens, ils les adoptent progressivement. C'est-à-dire typiquement donc chez CloudWatt par exemple, grosso modo, on avait adopté 4 objets quoi. Déploiement en service, pod, config map, secret, les trucs. Enfin, c'est basique, ça va avec. Config map, on les utilisait pas parce qu'on avait notre config dans consul. Oui, c'est vrai. Réplica. Secret, réplica set, déploiement, pod et service. Point. Genre, on faisait pas d'ingress, on faisait pas de volume, ou enfin, si on faisait des volumes, mais viteuf. Et donc en fait, on avait prévu d'adopter progressivement l'API. C'est exactement pareil que ça se fait chez Le Bon Coin. On adopte progressivement les bouts. Et donc, du coup, je suis d'accord qu'il y a plein de... Enfin, il y a des objets qui sont un peu moins first class citizen, qui sont moins génériques, moins utilisés par tout le monde, qui sont beaucoup plus flous dans la doc et moins débroussaillés. Les ingress, j'ai l'impression que ça devient utilisé par à peu près tout le monde. Enfin, genre, chez Le Bon Coin, on les utilise depuis le premier jour. Oui, mais depuis le début, il n'y a pas d'implémentation standard. Depuis le début, il n'y a pas d'implémentation standard, ça je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense que t'as raison. Je pense que c'est ça la raison fondamentale. C'est que les ingress first class, c'est les ingress qui sont fournis as a service par GCP et AWS. Et même il y a des blagues. Il y a des trucs que tu pourrais. En fait, même il y a des blagues. Moi, mon sous-entendu, c'est faites pas confiance à votre bon sens, testez. Et même dans les. En tout cas, enfin, je les connais pas tous, mais GKE. Il y a des trucs qui marchent pas comme forcément comme on pourrait penser. Surtout, ils n'ont pas encore toutes les features qu'on pourrait vouloir sur un ingress qu'on peut faire avec Nginx ou autre, par exemple. C'est peut-être ça, justement, ma deuxième remarque, c'était là-dessus, dont j'ai pas parlé, c'est la customisation, en fait. À quel degré tu veux mettre ta customisation ? Là, tu as eu un cas dont tu as parlé qui est très bien, qui est celui de pouvoir gérer une version ancienne qui gère sans doute. Enfin, qu'il y a des trucs peut-être buggés, des TLS buggés, que normalement t'as pas envie d'avoir en prod, en fait. Ouais, là c'est une contrainte du client. Ouais, voilà, non, mais je peux complètement comprendre. En fait, ce que je vois à l'heure actuelle dans Kubernetes, c'est sans doute que l'implémentation doit marcher pour 90% des gens. Le problème, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 10%? Et 90% des gens, c'est peut-être, c'est 90% des usages, et en fait, il y a tout le temps 10% pour tout le monde qui est chiant. Ouais, ouais. C'est pas 90% même des clients, c'est 90%. C'est pas 90% des gens, c'est 90% des use cases. Voilà, des 90% des use cases. Le problème, en fait, maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 10% qui restent? Et en fait, ce qui est peut-être dommage, donc là, ce que t'as dit Simon, c'est exactement ça, c'est, en fait, on connaît Nginx. On connaît le monde avant Kubernetes. Et je pense que c'est à la fois quelque chose de bien et à la fois quelque chose de pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye peut-être de se dire, ah, là, je peux faire une petite optim. Je sais que Nginx, si jamais je le configure comme ça, il sera meilleur. Au final, est-ce que tu t'en fous un peu? Est-ce que peut-être la performance, par exemple, là, de se dire, voilà, moi je sais qu'HAProxy il est deux fois plus performant que mon blob, et ben je préfère passer à HAProxy et donc je vais tripatouiller autour pour faire marcher HAProxy. C'est probablement surtout une question de temps, le temps que justement tous ces petits corner cases ou tous ces petites améliorations que on avait réussi à intégrer dans les softwares qu'on utilisait avant pour faire tout ça, et ben le temps qu'on se dise bah ça y est, maintenant il faut qu'on réussisse à faire tenir ça dans Kubernetes, parce que maintenant on voudrait gérer tout avec Kubernetes pour se simplifier la vie. Ouais, parce que je peux te dire que les 3500 lignes de configuration HAProxy chez nous, pour les porter sur les ingress contrôleurs, ça va être un peu. Non, mais ça va être au fur et à mesure. Mais en fait, là, ce que je veux dire, c'est peut-être là où avant t'avais 3 HAProxy, si maintenant t'as 25 en ingress autre, mais qui se déploie tout seul, c'est pas forcément très grave. Non, mais ça, c'est bien. Mais le c'est juste ça, en fait, dans les petites optimes qu'on mettait. Non, mais là, quand tu parles d'optimes, je pense pas que ce soit débat. C'est pas un problème de perf, c'est un problème de nombre de configurations différentes. Puis ça va être le petit bout de l'UA qu'il va devoir mettre pour le business directement sur load balancer. Enfin, ce genre de petites choses. Mais est-ce que, justement, c'est extrêmement vrai, en fait. Mais c'est juste, est-ce que maintenant, on le mettrait pas juste à un autre endroit, en fait? La question, en fait, c'est est-ce que maintenant, on essaye de garder ce qu'on avait fait dans l'ancien monde, dans un monde statiquement ou à la limite un tout petit peu dynamique avec de la configuration? Est-ce que maintenant, ça, on le mettrait pas dans autre chose? Est-ce que maintenant, on mettrait pas des API gateway qui feraient, en fait, ce petit bout de l'UAC dont tu avais besoin? Tu le mettrais devant, en fait, et tu rajouterais un blob là où avant, bah, c'était super chiant de rajouter un nouveau blob. Ça voulait dire spawner une nouvelle VM, avoir les scripts Terraform qui vont bien, le Ansible, le code, etc. Est-ce que là maintenant on se dit pas bon, en fait j'ai envie de rajouter un truc qui se met au milieu du flux? Je fais simplement. C'est vraiment une question, hein. J'ai pas de réponse claire. C'est compliqué de comparer parce que pour moi les API Gateway, ce qu'on entend par là, qui est une définition à peu près standard, c'est arrivé vraiment pas longtemps avant, donc on n'a pas eu de longue période en mode il existe les API Gateway mais il n'existe pas encore Kubernetes. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, les implèmes d'Ingress Controller, elles essayent toutes de savoir faire les features des API Gateway. Et en plus, on est vraiment dans une transition. Enfin, il y a des trucs qui arrivent en Kubernetes très tôt. Et il y a une espèce de truc en mode Kubernetes arrive juste dans la période où il commence à se démocratiser. et on essaye déjà d'amener des concepts avancés. Enfin, il y a des gens qui essayent de pousser des concepts avancés pour dire on va essayer de les mettre dès le début pour que ça devienne des standards. Je pense au service mesh qui essaye un peu de faire ça. J'ai l'impression que, bon, peut-être c'est juste ma perception, mais qu'il y a eu un gros push sur Istio pendant un moment. Ça parlait beaucoup de ça et tout. C'est tellement pas ta perception, il y a énormément eu un gros push sur Istio, ouais. Mais, et on essaye de dire vite. Là, récemment, il y a une histoire, il y a une sorte de guerre gagnée à base de plusieurs gros potentiels concurrents de Kubernetes. On dit, ah bah non, Kubernetes a gagné. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des gens d'Istio qui se sont dit, enfin, ou pas d'Istio, je ne sais pas qui est derrière exactement, qui se sont dit, vite, Kubernetes va avoir un gros coup de projecteur bientôt, est-ce qu'il ne faut pas qu'on essaye de mettre nos trucs dans la lumière pas loin pour qu'ils passent en même temps? Et le service mesh, c'est un truc qui a vocation à avoir cette intelligence-là, de rajouter des trucs dans les requêtes très tôt. Mais c'était aussi parce qu'il y avait un gros trou dans la raquette à ce niveau-là, qui obligeait à faire tout ce travail qui est fait par le service mesh au niveau applicatif. Et donc là, c'était chacun qui commençait à se dire, on va se rajouter dans toutes nos applications tout ce que va permettre de faire Istio en termes de communication inter-service, alors qu'en fait, on peut le mutualiser intelligemment avec le service mesh. Oui. Mais ces machins-là, c'est des dérivés directs de ce qu'a fait de Finagle et tout ça. Donc en fait, je pense que c'est pas, ça prédate ce pattern, il prédate Kubernetes. Le besoin, en tout cas, d'avoir une sorte de service mesh, en fait. et le pattern d'avoir le service mesh en mode sidecar, il prédate pas Kubernetes, mais c'est à peu près la même date, en fait. En fait, moi, tu vois, Istio, il n'est pas exactement lié à l'API de Kubernetes. C'est-à-dire, en fait, c'est dans Kubernetes, mais il n'y a pas de lien direct avec des objets existants de Kube. Il y a deux choses. Il y a des CRD, donc des concepts en plus. Sinon, c'est des trucs existants, genre les services, les ingress, avec des annotations. En fait, Istio peut être un ingress contrôleur et tu fais rien de spécial, il fait un ingress contrôleur classique. Soit tu peux enrichir les objets classiques, service, ingress, avec des annotations pour dire à Istio de faire des trucs en plus. C'est, voilà. En fait, donc là, c'est bien, t'as un peu la réponse à ça. C'est qu'en fait, peut-être tous les petites custos dont on a besoin, c'est juste qu'il faut que ça se fasse et que les ingress un peu apprennent à faire des annotations. Enfin, bon. En fait, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, mais moi, encore une fois, c'est pas un reproche. C'est en mode, tiens, c'est bizarre, on a les mêmes problèmes de jeunesse que OpenStack. C'est en mode, ça arrive juste. Bah, on découvre un peu. Ça reste assez récent. Et surtout, tous les ingress contrôleurs dont je parle, ils sont pas tous nés il y a X années en même temps que Kubernetes. Certains sont apparus il y a pas longtemps. Contour, par exemple, c'est assez récent. C'est Eptio qui a décidé de faire un truc. C'est assez récent. C'est pas bizarre que des projets soient pas parfaits dès le début, quoi. La différence, c'est qu'il n'y avait pas de mini OpenStack. Hein. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, OpenStack, il n'y avait aucun moyen d'avoir une implémentation standard qui marche du premier coup. Là où Kubernetes, il y a au moins quelque chose, quand tu l'installes, il marche. Le problème même qu'on avait avec Kubernetes, c'est que même les trucs les plus standards de base qui devraient marcher dès le début ne marchaient pas du fait de... OpenStack, là, mais ouais. Ah, d'OpenStack ne marchaient pas du fait d'une divergence énorme dans tous les codes et du fait qu'il n'y ait pas d'implémentation à peu près... rien n'était cadré, en fait. Tous les implémentations du réseau étaient assez custom, étaient en fonction du fournisseur, du vendor, etc. C'est encore différent là-dessus. Après, on n'est pas obligé de comparer. Moi, j'ai amené OpenStack dans l'histoire plus pour troller qu'amener un argument technique ultra pertinent. Je crois que c'est pas très fair de comparer les deux. Ça opère pas tout à fait au même niveau, Tu veux passer? Ouais, non, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, à mon avis, une prochaine fois sur ce genre de choses-là. J'avais d'autres exemples de trucs qui marchent mal dès le début, mais bon, peut-être pas. Là, on a pas mal d'y arriver sur celui-là, mais il y a d'autres trucs où on sent que c'est assez jeune encore et que ça déconne un peu, quoi. Non, mais enfin, à mon avis, ton propos, il est super, quoi. Enfin, juste, voilà, le résumé, c'est top, faut y aller, hein. Je dis pas qu'il faut se méfier ou quoi. Juste, tester tout ce que vous avez besoin de faire. Parce que, partez pas du principe que si ça marche pour une instance d'un truc, quand vous avez passé à 10 ou 100, ça va marcher. Testez tout et ça ira. Sur toutes les implémentations, tous ces concepts-là, un truc sur lequel on a beaucoup bossé, sur les stateful sets ou ce genre de choses, il faut pas hésiter à aller lire le code, de comment c'est vraiment fait derrière. Est-ce que c'est pour le moment plutôt de l'ordre du bricolage ou est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment battle-tested pour aller en prod? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout, de toute façon, vous allez devoir le faire. En fait, en gros, moi, pour un Kubernetes, c'est un helper. Hein. Enfin, c'est-à-dire, si jamais l'aide, elle est là, tant mieux. Sinon, de toute façon, vous allez devoir le faire vous-même. De toute façon, ces tests, soit vous les faites en avance de phase sur vos clusters de dev, soit vous allez les faire un jour à 4h du mat parce que la prod sera pétée. Donc, faites-les avant, c'est peut-être mieux. Ok, super. On a maintenant un petit sujet. Mais, en fait, Nicolas, tu parles trop. C'est encore dans un sujet, donc sur Scaffold. Et c'est pas que je parle trop, c'est que c'est moi qui me tiens au courant, donc c'est moi qui introduis les trucs. Allez, c'est lui qui a introduit. Ok, on va garder ça. Mais oui, non, mais donc là, t'avais un sujet sur Scaffold, mais je crois même pas que Scaffold. Bah, en fait, Scaffold, c'est un. Je pense que c'est le plus visible récemment. Il y a une. Il y a tout un groupe d'outils qui font plus ou moins la même chose, qui sont dédiés aux devs, qui vous permettent de bosser localement sur du code source. Et de rapidement pouvoir le déployer dans un contexte, en l'occurrence Kubernetes, pour pouvoir itérer rapidement, voir si ça marche. Avant, potentiellement, vous bossez sur votre application, je prends le PHP, bah, vous avez, quand vous faites votre CTRL-S, vous pouvez faire F5 sur votre page à côté, vous pouvez voir tout de suite les modifs. Demain, vous bossez sur une application en Go, bon, faut la recompiler. Mais c'est pareil, on peut avoir un truc qui watch, qui va recompiler le binaire et le relancer. Maintenant, il faut potentiellement recompiler le binaire, rebuilder l'image Docker, la pousser dans une registry et aller patcher un objet, un pod, un déploiement, whatever, pour mettre le nouveau tag de l'image que vous venez de rebuilder pour tester votre modif de code dans un contexte Kubernetes. Et ça, à la main, c'est pas ultra sexy à faire. Et donc, il y a tout un ensemble de projets qui se dédient à faire ça. C'est des trucs que vous lancez dans un onglet de votre terminal en background qui vont watcher votre répertoire où vous bossez, et quand ça bouge, ils font tout un tas de trucs pour automatiser un redéploiement. Je ne sais pas si c'est tout le temps bien de tester dans Kube parce que parfois c'est juste trop lent et vous n'avez pas besoin, mais quand vous en avez besoin, bah c'est vachement pratique parce que à partir du moment où c'est automatisé, bah comme d'hab, vous en servirez plus et vous ferez des itérations plus petites, etc. Et donc Scaffold est un des projets qui sert à faire ça et il est backé par Google. Il y en a d'autres. Alors juste pour expliquer rapidement le principe de Scaffold, pour expliquer les différences, Scaffold, il y a un YAML que vous mettez a priori à la racine de votre repo, vous lui filez éventuellement un pattern à watcher, peut-être de lui dire de regarder que vos modifs de code et pas votre readme ou pas vos tests ou j'en sais rien comme vous voulez. Et dans YAML, vous lui dites comment redéployer. Donc en gros, vous lui dites quel est le Dockerfile à relancer pour faire ça. Pour simplifier, moi je vous conseille de faire en sorte que le build de votre code source soit fait dans le Dockerfile en multistage qui va bien. Vous lui dites quelle est la registry, s'il y a une registry. C'est pas forcément le cas, on peut imaginer que votre commande Docker locale pointe sur un node d'un cluster Kubernetes mononode pour simplifier la vie et pas avoir de registry intermédiaire. Et après, vous lui dites comment upgrader le déploiement. Et là, lui, il est sympa parce qu'il sait le faire de plusieurs manières. Soit il sait patcher un manifeste existant. Donc en fait, vous lui filez un YAML qui décrit votre déploiement. Dedans, il y a éventuellement des placeholders pour remplacer le nom du tag ou le nom d'image, whatever. Et lui, il va faire le templating et faire un kubectl apply pour vous avec l'image que vous venez de builder. Soit vous pouvez même lui dire que le déploiement, au lieu d'un manifeste directement local, c'est une charte Helm. Alors, elle peut être locale ou pas locale. Mais en gros, vous dites, bah voilà, tu me relances cette charte Helm en overridant telles values qui vont sûrement être notamment le tag que vous venez de builder. Donc, voilà. Je regarde le code, je build l'image et je redéploie kubectl ou Helm. Un qui est apparu bien avant, c'est Draft, de Microsoft, il me semble. Lui, je sais pas exactement comment il fonctionne. Il me semble que lui, Non, je confonds que téléprésence. Lui, ouais. il fait pareil. Il recompile, il repousse. Il fait à peu près pareil. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il reconnaît le type de projet. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin d'écrire le YAML dont tu parlais. C'est vraiment, il détecte quel est le type de projet et il arrive, donc, Go, PHP. Ah oui, lui, il fait le Dockerfile à ta place, c'est ça? Ouais, il fait le Dockerfile magique. Tout, ouais. Ouais, c'est de la grosse, grosse, grosse magie. Mais même du coup. On n'aime pas, mais. Ça fait penser un peu à Auto d'Hashicorp qu'ils ont abonné rapidement parce qu'en fait, c'était bien pour les Hello World, mais pas beaucoup plus. Il y en a un autre qui a pas mal été mis en lumière récemment, qui est assez rigolo, il fonctionne un peu différemment, qui s'appelle... Alors, faut pas que je confonde, parce que les jeux de mots avec cube, il y en a mille, toutes les combinaisons possibles. Je crois que c'est cube shell. Ou cube guide, guide cube. Bon, je sais plus. J'ai expliqué le fonctionnement et vous le verrez. Lui, il est assez rigolo. Vous lancez un truc dans votre cluster cube, un contrôleur dédié. Je crois que c'est guide cube. Je suis quasiment sûr que c'est guide cube. Ouais. Vous lancez un truc qui s'appelle guide cube dans votre cluster cube. Vous allez déclarer un objet, donc c'est un CRD dédié, donc pour déclarer ce qu'on appelle un remote. Dans ce remote, vous allez mettre votre clé SSH publique. Et en fait, quand vous poussez ce truc, le contrôleur va le voir, il va déployer un pod avec un serveur SSH et le configurer avec votre clé publique pour que ça soit un repo git. Vous, quelques secondes après l'avoir poussé, vous faites un get remote, vous allez avoir votre remote, et dans le statut, si vous faites un describe de ce remote, vous allez voir une URL. Cette URL, c'est une URL avec un préfixe SSH. Vous la rajoutez comme remote de votre répertoire, votre repo courant Git, et vous pushez votre code vers cette remote-là. Et dans la déclaration du remote, il y a d'autres informations, genre où est le Dockerfile, des trucs comme ça. Et à chaque fois que vous faites un push Git de votre code vers ce remote-là, qui du coup est dans votre cluster, automatiquement, ça va trigger un build. En plus, vous allez voir le build directement dans le log de votre push SSH. Quand vous poussez sur GitHub une branche, potentiellement, il vous propose un lien vers créer une PR, ou c'est dans GitLab, ça. Mm-hmm. Là, vous allez avoir directement le log du build, comme si vous avez lancé Docker build localement. Ça build votre image, et ça la pousse dans une registrie s'il y a besoin, et ça la redéploie suivant, encore une fois, les informations de ce que vous avez mis dans le manifeste du remote. C'est un peu un pass du pauvre, quoi, en fait. C'est une sorte de mini-pass, de mini-Roku. Parce que les Roku, c'est pareil, on déployait avec du Git. Là, c'est pas fait pour des déploiements, c'est vraiment que fait pour le dev, mais c'est le même principe. Je fais un push Git, ça fait tout. Okay. Et c'est assez... Moi, je trouve ça assez élégant, quoi. C'est différent, c'est plus cher, parce qu'il faut faire un déploiement à l'intérieur, etc. Ouais, c'est plus cher, mais en même temps, si tu voulais le faire... tu pourrais le faire... de manière inversée à la Heroku, on va dire. T'as un truc centralisé, en gros, que tu partages à plein, et... les gens poussent dans des branches, on va dire, dans ce machin-là, et ça déploie du coup dans tel ou tel cube que chacun a dans son coin. Et en fait, faire toute cette magie-là, c'est peut-être plus cher que d'avoir des gens à qui on donne un cluster, ou un namespace dans un cluster carrément, et ils déploient ce machin-là. Après, au final, c'est juste poser une CRD, quoi, donc c'est pas très compliqué non plus. Faut déployer le contrôleur une fois au début. C'est un install qui va bien. Et donc au final, ouais, non, c'est peut-être pas mal en fait. Je pense, de toute façon, enfin, c'est un sujet, le développement avec Cube qui est. D'ailleurs, juste, et je le fais très rapidement, il y en a un autre, j'ai pas le nom, je suis désolé, qui fait un peu ce même principe-là avec Git, sauf que lui, le trigger, c'est pas un repo Git dans Cube, c'est votre repo Git classique sur GitHub, GitLab, et lui se plug sur le webhook. Et après, il fait toute la même logique de je reclone, je fais le Docker build avec votre Dockerfile et je redéploie dans Git, sauf que le repo Git, il est... On est à la limite entre le développement et la CI, là, en fait. On est vraiment dans cette gray zone. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vraiment un sujet qui est exploré énormément en ce moment. Il y a plein de boîtes de CI qui veulent essayer de trouver le workflow ultime, devenir le Travis spé Kubernetes qui essaye de trouver quel est le bon workflow. Il y a Jenkins, notamment, non? C'est vrai que c'est un énorme sujet, ça pour le coup. C'est vraiment un des sujets primordiaux, parce que de toute façon, in fine, on veut pas que ce soit dans le Kubernetes de prod, que ce soit des humains qui aillent faire des petites modifs manuellement sans qu'on puisse... Je pense que t'as pas envie de mettre ta CI dans le cluster de prod. Non, mais c'est surtout que je pense que de par la nature de déployer dans Cube, la boucle de feedback, elle est vachement plus longue entre je modifie du code et il est buildé, déployé, mis à jour. Et ils cherchent tous quel est le workflow ultime pour réduire ce temps. Je suis pas d'accord avec ça parce que, t'as un binaire, d'accord? Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. Si tu veux déployer pré-Cube, tu faisais quoi? Tu te faisais un script makefile avec une target deploy qui faisait un SCP sur une machine d'intégration, et etc. T'avais Docker Compose. Oui, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil et c'est pas beaucoup plus rapide. Ça restait tout de même beaucoup plus rapide. Mais enfin, c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça d'ailleurs que là, un gros développement qu'est en train de faire Docker, c'est de réussir à intégrer Docker Compose dans Kubernetes. C'est-à-dire, sur ma machine. Oui, ils l'ont présenté dans pas mal de meet-up ces derniers temps. Donc, oui. Donc, en fait, on est dans cette espèce de chose-là. C'est-à-dire, Docker essaye de pousser le fait que le développeur a son Docker Compose et il arrive à pousser le Docker Compose en prod. Globalement. Et là, les outils là, dont on est en train de parler, c'est un peu l'inverse. Et on sait qu'on a Kubernetes en prod. Et si on essayait de descendre ce Kubernetes le plus près possible du développeur, c'est deux logiques. On verra là. J'ai une petite réponse pour Félix. Un truc qui potentiellement, par rapport à avant, rajoute une latence, c'est si. Alors, je pense qu'il ne faut pas le faire du coup en dev, mais si tu as fait un vrai manifeste comme il faut faire, cachère et tout. Si t'as des probes pour la readiness ou la liveness, potentiellement, tu redéploies et il faut attendre 30 secondes avant que ton truc, ton F5, il marche, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Mais en fait, enfin. Et puis, c'est sur quel registre tu l'envoies, etc. Pour moi, ça pose vraiment une autre question qui est que, à mon avis, dans un workflow de dev normal, tu dois pas obliger les gens à avoir besoin de déployer. Je pense aussi. Dans un truc. Je suis pas d'accord. Mais ça dépend. C'est ce que tous les gens qui font des microservices. Enfin, tous les gens qui font des microservices arrivent à cette conclusion à un moment, c'est que tu fais pas un Docker Compose avec 250 microservices. C'est débile. Ça juste pas marche. Si t'as besoin de tout le monde pour tester ton application, peut-être que tes abstractions elles sont pas bonnes. Peut-être que ton archi elle est nulle. D'accord, mais t'as peut-être besoin de quelques composants. Sinon, généralement, dans un monde de services, tu vas juste te mettre d'accord sur les interfaces. Voilà. Et après, une interface. Tu testes les interfaces. Je suis entièrement d'accord, mais des fois t'as besoin de les spawner ou même des fois t'as besoin de tester ton déploiement. Enfin, sur des tests end-to-end, mais c'est pas des tests que tu vas runner. C'est un peu le DevOps, c'est de réussir. Si jamais tu es obligé d'avoir un Docker Compose pour le développement local, puis après tu as des manifestes qui sont faits par quelqu'un d'autre, etc., forcément il y a un moment ou un autre où ça va pas marcher. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, à mon avis, la solution, et c'est complètement hors sujet avec ce qu'on est en train de discuter, mais désolé, mais la solution pour moi c'est plutôt d'avoir une approche interface, comme dit Simon, à savoir tu définis les interfaces en direct, en local, en dev. Sur ta machine, ce que tu testes, c'est est-ce que je valide mes interfaces. Tu peux le faire sans avoir un déploiement complexe. Je suis entièrement d'accord, mais t'as forcément besoin peut-être d'une base de données, d'un truc comme ça, etc. Il y a d'autres choses, un Elasticsearch. Une base de données, ouais. T'as besoin en fait de composants. J'ai pas dit tous les composants, j'ai jamais parlé. D'ailleurs, quand je dis il faut pousser en prod, t'as rarement une boîte où il y a tout un fichier qui décrit toute l'infrastructure. T'as un fichier qui décrit une équipe, qui décrit une feature team. Globalement, t'as une infra par feature team, et ça doit rester assez limité normalement. Tu vois, genre je suis assez et là, voudrait que ce soit le cas, mais c'est pas encore le cas. Et même la base, c'est discutable parce que normalement, si tu peux faire un push dans le cube, tu peux aussi faire un cube port forward pour l'avoir localement. C'est pas pareil. En fait, moi, je pense que c'est vraiment discutable d'avoir besoin de déployer dans le cube à chaque contrôle S. C'est pour ça que à chaque git push, c'est peut-être une granularité plus sympa parce que mets plus de modifs à chaque test. Ouais. Mais après, disons que ça soit légitime ou pas, j'ai l'impression qu'il y a des vendors qui ont décidé que c'était la guerre. On n'a pas parlé de téléprésence, on n'a pas parlé de plein d'autres choses. Je pense qu'on aura un sujet dédié à ça la prochaine fois, parce que c'est quelque chose de. Mais ce serait bien qu'on ait développeurs, parce que là, malheureusement, on est tous un peu trop ops. Je peux peut-être en ramener. Ouais. Voilà, ce serait bien d'avoir ça pour avoir le feedback. on peut espérer. Mais voilà, je pense que ce serait bien quand on aura des développeurs sur la table. Donc là, si vous voulez regarder un peu ces trucs-là, Scaffold, qui s'écrit bizarrement, je crois que c'est un K à la place d'un C. C'est un K. Donc, GitCube, Draft. J'en ai vu encore un autre où on peut mettre en annotation l'équivalent d'un YAML pour Google Cloud Builder. Mais il y a plein de mauvaises idées aussi qui sont en train d'arriver. Mais à mon avis, vous trouverez. Il y a mille solutions. Vous trouverez votre bonheur ou non là-dedans. Ça existe, quoi. Voilà, vous pouvez regarder, ça existe. Bon, on va parler maintenant de connectivité. Alors là, on passe du coq à l'âne, mais alors complet. Là, on parle de la vraie infra, tu vois. Voilà, là, on parle de quelque chose de poilu, c'est ça? Donc, Non, du Félix tout. Qui est non, poilu. On va arrêter les blagues miso. Mais le sujet, c'est les choix qu'on fait en termes d'archi réseau dans le cube. Donc concrètement, il y a plusieurs choix à faire, mais il y en a un qui oriente tous les autres. Je pense. On est d'accord, c'est un des rares trucs où Kubernetes impose rien et dit tout est faisable. Ouais, il impose quand même ce truc, c'est une IP par pod. C'est ça, voilà. C'est le seul truc qu'il impose. Et au minimum. Et trois réseaux. Pardon ? Et le réseau externe, le réseau de service et le réseau de pod. Trois CIDR. Mais voilà. Ouais. Mais et encore que, ils les imposent plus ou moins, t'es pas vraiment obligé de les utiliser. Typiquement, chez Clovot, on n'utilisait pas les IP de service, tu vois. Oui, tu pourrais utiliser des services headless aussi. Voilà. Oui. Tu pourrais faire tout un tas de... Mais il y a juste cette nomenclature-là. En fait, en gros, dans ce qu'impose Kubernetes... Enfin, impose. Ce que propose, on c'est va dire... C'est plus ce voilà. que propose Kubernetes, ouais. En tout cas, c'est ça, c'est... Mais il n'y a pas d'implémentation standard, en fait, si c'est ça que... Oui. Donc, du coup, ce que le seul truc qui est obligatoire, c'est une IP par pod. Et donc, du coup, il y a plein de façons de faire ça. Globalement, souvent les gens ils découpent le truc en mode est-ce qu'il y a l'encapsulation, est-ce qu'il n'y a pas l'encapsulation ou des choses comme ça. C'est peut-être pas forcément en fait le truc le plus critique. Le truc qui va impacter les autres choix architecturaux, genre par exemple comment vous faites votre ingress je parle principalement quand on est en bare metal parce que le reste du temps la plupart des choix sont faits pour vous en gros. Mais est-ce que vous voulez que les IP des pods soit routable depuis l'extérieur du cluster ou pas. Donc typiquement si vous êtes sur du bare metal, enfin on-prem, pas forcément sur du bare metal, si vous mettez, vous avez votre cluster cube à l'intérieur de votre data center, vous avez d'autres infra à côté, si vous utilisez Calico pour faire la connectivité entre les pods et que vous configurez Calico pour qu'il pire en BGP avec vos routeurs par exemple, alors vous pouvez propager les routes qui mènent à vos pods dans tout le reste de votre infrastructure. Et donc, typiquement, avoir des VM ou des machines physiques à côté qui peuvent directement parler à vos pods. Et donc, en fait, il n'y a plus de notion réelle d'ingress dans le cluster. Donc ça, ça a l'avantage, entre guillemets, de faire que... il y a pas beaucoup de, il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin nécessairement de définir pour fournir cette connectivité. Et ça offre un certain nombre de libertés. Mais ça peut aussi, du coup, faire perdre l'occasion, on va dire, de ségréguer votre réseau correctement. C'est-à-dire que si vous prenez l'option opposée, qui est de pas avoir des IP routables, avec un truc genre, par exemple, Flannel, vous pouvez faire un peering mesh entre tous vos nœuds, ou même d'ailleurs avec Calico, vous pouvez le faire, hein, un peering mesh entre tous vos nœuds Kubernetes, et donc tous les nœuds Kubernetes ont toutes les routes pour aller vers les IP de tous les pods, mais depuis l'extérieur, c'est pas joignable. Ou si vous faites ou n'importe, il y a plein de solutions qui fournissent justement, ce système-là. À mon avis, là, t'as dit un peu la solution. Alors moi, clairement, je vais tout de suite dire mon opinion. Je suis complètement contre tout accès des pods depuis l'extérieur, mais alors vraiment farouchement contre, c'est vraiment pas cachère. Le problème, en fait, là, et tu l'as dit, c'est en fait toutes les implémentations de Kubernetes implémentent le fait que les pods soient pas routables depuis l'extérieur. Mmh. Et il y en a... Comment ça, toutes les implémentations? En fait, toutes les implémentations de network font en sorte que les pods soient routables entre eux, mais pas à l'extérieur. Bah non, justement. C'est-à-dire qu'un pod puisse communiquer avec un autre pod, mais qu'une VM extérieure au cluster ne puisse pas atteindre un pod. Bah, Calico, c'est pas le cas. Non, mais et Google vient juste de sortir aussi la feature d'IP alias pour que dans GKE, les pods puissent être accessibles depuis les VM de GCP, donc, par exemple. Donc, tu l'as bien dit, donc c'est quelque chose de nouveau. En fait, en gros, c'est des hacks. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a rajoutées récemment pour des usages et des gens qui en avaient besoin ou qui voulaient en avoir. Disons que moi, je pense pas que ce soit aussi caricaturé comme ça. Je pense que c'est simplement, c'est un changement de paradigme par rapport à si tu faisais la méthode précédente. Ouais. En fait, Calico fait les deux, tu l'as bien dit. En fait, ouais. C'est-à-dire que de base, en fait, en gros, tous implémentent le fait qu'ils soient pas routables et ils soient pas routables depuis l'extérieur, et certains y arrive. En fait, ça, on voit bien que donc de base, la méthode standard que va utiliser à mon avis la plupart des gens, ou en tout cas telle qu'a été pensée Kubernetes, c'est que les pods ne soient pas accessibles. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que c'est simplement que tu prends pas en compte un autre truc, qui est que c'est bien plus simple de bootstrapper un truc avec que de la connectivité interpod. C'est-à-dire que typiquement Calico, je vais prendre l'exemple. Si tu apt-get install Calico, enfin c'est pas un apt-get install, mais bref, si tu le déploies, même maintenant tu peux le déployer avec Kubernetes d'ailleurs, si tu le déploies avec sur ton cluster avec tous les paramètres par défaut, il fait du peering mesh entre tous les nœuds. Et ça auto-marche tout de suite. Et pourquoi c'est populaire aussi? Parce qu'il n'y a pas besoin de linger réseau dans tout ça. C'est ça. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir parlé à personne, parce que c'est des birds sur des machines qui se parlent entre eux. Personne n'est au courant. En revanche, quand tu veux le faire avec un peering où tu propages les routes, Bah là, il faut que quelqu'un whitelist les IP de tes nodes sur un router ou un truc comme ça. Exactement ce que tu voulais pas quand t'as mis Kubernetes en fait. En gros, on a reproduit le problème qu'on avait avant, on les a reproduits en tant que cluster kube. Enfin, c'est pas forcément si t'as pas la barrière entre les gens qui vont gérer Kubernetes et les gens qui vont gérer le réseau. Il y a des boîtes où ils se parlent en fait. Non mais même s'ils se parlent pas, il y a des boîtes où c'est les mêmes. Genre typiquement chez le Bon Coin, ça sera les mêmes personnes ça. Non mais c'est les SRE qui font ça. Et justement en fait là tu enlèves les devs de la boucle. En fait, enfin là le problème que je vois c'est que si jamais tu fais ça déjà, en gros tu utilises Kube que comme un orchestrateur. Oui. Et il y en a des bien meilleurs. Alors ça c'est pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin mettez Mesos. Mesos marche super bien. Pas Marathon, je vais pas parler de Marathon dans l'histoire, mais mettez Mesos. Mesos, à mon avis, correspondra beaucoup plus à votre besoin tel que vous voulez. Kubernetes sera chiant pour vous. Pour le coup, je trouve que c'était plutôt une avancée le fait de dire une IP par pod et pas de faire de la bidouille des ports que tu peux retrouver dans d'autres orchestrateurs. Ouais. Le Mesos a les deux pour le coup. Donc, et Kube, potentiellement, tu peux faire des moins net host et binder sur des ports. Enfin, en fait, la bidouille de prendre des ports, tu peux le faire aussi avec Kubernetes. En fait, si jamais tu veux, Kubernetes te laisse un peu la liberté, mais justement je pense que là, personnellement, je trouve que c'est une liberté trop forte, et en fait on essaye de réappliquer le monde d'avant, où on aimait bien le BGP, où on faisait des choses, et on essaye de l'appliquer à Kube. C'est pas forcément le monde d'avant, si je prends notre exemple, nous on a du Kubernetes dans notre data center bare metal, tous les pods sont accessibles partout, mais c'est pas forcément parce qu'on l'a voulu, même si en l'occurrence ça nous sert bien. Parce que pour la transition, c'est quelque chose qu'on utilise, le fait de pouvoir parler entre pod Kubernetes et pod non Kubernetes. Mais c'est surtout parce que le design qu'on a pris, c'est d'utiliser CNI et d'avoir du Mac VLAN sur tous nos nodes Kubernetes. Donc en fait, dès le design du data center, on avait déjà penser au fait qu'il allait falloir amener tout un paquet d'IP sur chacune des machines pour après avoir une IP routable pour chacun des pods. Et ça, c'est des choses aussi qui commencent à arriver dans les design réseaux de data center. Ouais, même chez OVH, je crois que maintenant, tu prends des machines physiques et on te file un paquet d'IPv6 quoi. Nous on met un slash 26 de V4 donc c'est du RS1918 mais voilà c'est quelque chose on s'est dit dès le départ il faut qu'on fasse comme ça parce que quelle que soit la solution qu'on choisisse derrière ce sera toujours utile d'avoir des IP routables directement à disposition sans avoir besoin de rajouter de l'IP tables ou tout ce qu'il faut pour après Ça fait que ça t'enlève du DNAT ou du SNAT à certains endroits, ou alors de l'encapsulation. Ça fait que t'as pas besoin d'avoir un truc ingress magique. De routage, ouais. Voilà. Du coup, t'as aussi des fonctions qui sont directement dans le réseau et plus sur des machines. Alors, ça t'ouvre la possibilité de faire ça. Ça t'ouvre la possibilité de faire ça. Nous, on l'a pas. Pour moi, le vrai intérêt, c'est que éventuellement, tu peux par exemple déployer ton ingress dans Kube. Ça, j'aime bien. Ce que tu peux déjà faire, même dans ma solution, l'ingress, il peut être dans Kube. Non, mais toi, t'appelles. Enfin, il faut que tu aies un load balancer à un endroit. Oui, mais je parlais d'ingress. Ok, d'accord. Mais bon, je m'exprime mal alors. Mais là, on est d'accord, c'est ingress dans le sens. Entrée réseau. Réseau, pas ingress voilà. L'objet. Voilà, je me suis mal exprimé, donc je me corrige. Donc, c'est pas l'ingress, mais l'entrée réseau dans le cluster, vraiment. Tu peux carrément, foutre. Ouais, des load balancers de niveau 4 pour reprendre ta topologie dans le cluster Kube en fait. Donc t'as pas besoin d'avoir des machines en plus que tu manages à la main, etc. Mais Moi je trouve que t'as perdu un peu en déclarativité déjà, énorme. C'est-à-dire comment tu arrives à définir que ton cluster il est de prod ou de dev. Enfin, non mais j'aime pas. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que un des trucs qui est intéressant dans l'idée de pas avoir les pods routables de base, c'est d'avoir une espèce d'inventaire de tout ce qui rentre dans ton cluster. Et de la façon dont ça rentre. Ça peut être intéressant. La déclarativité qu'on voulait à la base avec Kubernetes. Sauf qu'en vrai, si tu regardes, c'est pas exactement. Ça te fournit pas exactement ce que tu voudrais, je pense. Parce qu'en fait, ce que ça te file, c'est. Ça t'oblige à déclarer les points d'entrée dans ton cluster, mais pas en vérité les flux, parce qu'il n'y a pas la source. Et donc, du coup, à mon avis, t'as plutôt fait d'économiser ce travail-là éventuellement, d'avoir de la connectivité au niveau des pods, en L3 ou en. je sais pas comment vous faites vous, mais avec votre MacVLAN magique. Mais de toute façon, ils sont en 2014, en 2024. Mais enfin, d'avoir des potes. C'est pas si compliqué que ça. Hein, ça d'avoir des potes qui sont reachable depuis l'extérieur. Et de faire le travail a posteriori, même si je suis d'accord que ça va être beaucoup plus de travail, mais tu vas avoir plus de valeur à la fin, de mettre des policies de sécurité, réseau. Ah, mais les network policies, enfin, vous, ça veut dire vraiment, ça doit être le réseau qui implémente les network policies, mais ça veut pas dire pas forcément, même... non. Enfin, c'est juste de dire, si tu mets systématiquement des network policies, t'as quelque chose de beaucoup plus carré et sans avoir besoin de se dire il faut que je me prive du routage pour pouvoir faire ça, en fait. Non, mais donc, c'est-à-dire que votre... en fait, comme le pod est accessible directement depuis le switch ou depuis le routeur, ça veut dire que dès que tu mets une network policy dans ton cluster Kubernetes, ça doit être les composants réseau qui l'appellent, enfin, qui le comprennent. Non, ça peut être le... Pardon, ça peut être l'IP table sur le nœud. Oui, ça peut tout à fait être... Avec MacVLAN, IP tables, ils ne le voient pas. Avec MacVLAN, ça bypasse complètement le cluster, complètement le kernel. Hein. Enfin, c'est genre IP tables, il fait YOLO, je ne le connais pas. Non, mais tu pourrais trouver une implémentation des network policy même en faisant du MacVLAN. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'elle s'applique aussi à ce qui sort de ton cluster. Là où, c'est la seule manière d'ailleurs de contrôler ce qui sort du cluster. Ça t'évite d'avoir un SNAT en moins YOLO en IP tables sur tous tes nœuds, quoi. Bah, en network policy, en fait, comme c'est le node qui est pour le coup géré par Kubernetes qui le fait, tu peux très bien avoir une policy justement pour dire tout ce qui sort et qui a telle destination, je le bloque au niveau du node. C'est tout à fait possible et tout à fait simple en plus à implémenter pour le coup, puisque tous les nœuds sont gérés par Kube. Pour Kube et qui parle à l'API. Là, en fait, le problème, c'est que tes composants de network vont devoir parler API Kubernetes. C'est-à-dire que dès que tu vas devoir faire des migrations de cluster, tu peux le faire au niveau des nœuds. Si jamais vraiment tu délègues entièrement. Tu le fais avec Cilium ou avec un machin comme ça dans ce cas-là. Ah, mais Cilium, c'est vraiment cool. Je ne dis pas ça, mais tu peux très bien avoir toute cette gestion-là sans avoir besoin pourtant d'avoir un accès extérieur des flux. Tu peux, mais genre typiquement, dans ce cas-là, tu vas faire plus de taf à mon avis, parce que tu vas quand même devoir déclarer explicitement. Le problème, t'as dit le truc, c'est à ton avis. Et en fait, le problème que j'ai la plupart du temps avec ce genre d'implémentation-là, c'est qu'à chaque fois que je les ai vus, ça a été de l'over-engineering. Ça veut dire que on l'a pas fait parce qu'on en avait besoin, on l'a fait parce que ça avait l'air cool. Mais ça coûte que dalle hein, de faire la partie... ça coûte vraiment pas très cher de faire la partie... tu vois, Simon, lui, il l'a eu de toute façon gratos parce qu'il l'avait déjà fait avant. Et nous, au final, là, par exemple, ça a été discuté pendant quelques mois avant d'être fait chez Le Bon Coin. Et pourtant, on n'a pas une infrastructure réseau qu'on avait prévue pour ça à la base. Mais au final, mettre les configurations pour pouvoir faire du peering BGP avec les routeurs d'infrastructure qu'on a, ça coûte pas très cher. On verra sur l'avenir là-dessus, puisqu'en plus là, je vais être confronté à peu près à la même chose dans pas longtemps. Oui, tu verras le truc. Mais embrasse le BGP qu'il aime, le BGP thème. J'ai pas de problème avec le BGP, mais moi, mon problème, c'est de vouloir tout gérer son infra avec BGP. Si jamais BGP sert à gérer le réseau interne du cluster Kube, c'est vraiment génial, si jamais ça marche. Et si jamais il faut avoir du BGP extérieur, comme je disais tout à l'heure en off, c'est moi utiliser BGP pour annoncer les routes d'accès au cluster, c'est-à-dire en fait en gros tous les nœuds avec les nœuds portes qui vont bien, enfin pour pouvoir vraiment bien y accéder. Je trouve ça vraiment bien en fait. Si jamais le de toute façon il y a toujours un routeur frontal qui prend le réseau entrant. Souvent en plus entre les équipes, je sais pas, il y a souvent des VLAN même qui isolent les différentes zones externes, donc souvent t'es obligé de repasser par un routeur d'infrastructure entre tout ça, je sais pas suivant vos infras, mais souvent c'est le cas, donc en fait tu repasses par un routeur central. Si jamais ce routeur là juste lui il sait comment aller taper sur le cluster, je sais pas, en plus il y a un problème aussi quand vos pods ils sont routables, c'est à dire que tout le monde doit connaître le service discovery interne à Kubernetes, ou alors c'est à dire que t'as export dans un autre service discovery, un truc qui parle à Kubernetes. Alors, ça, t'as un double service discovery, ou alors tout le monde parle à ton Kubernetes. C'est ce que je disais en introduction de ce sujet. Hein. À mon avis, choisir l'un ou l'autre, c'est le Donc c'est coûteux. Enfin, je pense pas que ce soit la première chose qu'il faut. Je dis pas que c'est la première chose qu'il faut faire. Peut-être que c'est la première, peut-être que c'est la dernière. Mais la façon dont vous choisissez ce truc-là, ça va impacter comment vous faites le service Discovery et comment vous faites l'entrée dans le cluster. Il faut vraiment savoir vers quoi à quoi on s'engage quand on choisit l'une ou l'autre des solutions. Et après, je pense que bon, une fois qu'on sait où on met les pieds, on connaît les avantages et les inconvénients de. Regardez. Tant que ça reste cohérent, à mon avis, les deux. Regardez déjà ce que fait la communauté, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, il y a quoi? Il y a 20 solutions qui font du réseau, il y en a deux qui arrivent à en faire, quoi. Enfin, je pense que la communauté et donc les bugs qui vont avec, les futurs qui vont aller avec, clairement vont pas dans ce sens-là. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que là, d'un coup, tout le monde va se réveiller et tout le monde va faire de la connectivité externe, mais clairement la communauté en fait pas. Est-ce que c'est un bon indicateur? Parce que je pense qu'il y a peu de boîtes qui ont des VM ou quoi, qui font du BGP qui en faisaient avant. Enfin. Non mais c'est justement ça. Enfin, ce que je dis, c'est que là tout à l'heure t'as parlé. Tiens, je reviens donc sur le sujet que t'avais tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait plein de trucs qui devaient marcher et en fait marchaient pas. Là, je pense que si jamais vous, alors là c'est vraiment je pense, hein, c'est genre j'ai rien pour l'acter. Si jamais vous partez dans cette solution de pod extérieur, il va y avoir une tonne de choses qui vont juste pas marcher à cause de cette solution-là, qui aurait dû marcher autrement. Et c'est ça un peu mon problème, c'est que d'un coup vous. Mais ça vient de BGP ou c'est parce que c'est jeune? Non, j'ai pas dit BGP, non, c'est pas une connectivité externe. J'ai jamais parlé de BGP et enfin je. Ouais, non mais d'accord. Je ne parle pas de BGP dans cette histoire. Mais en fait, je suis pas d'accord. Enfin, je pense pas. Je crois pas qu'il y a plein de trucs et qu'il y a des trucs qui vont potentiellement pas marcher parce qu'au final, t'as augmenté l'ouverture. Donc, c'est peu probable que ça casse des trucs. En revanche, ce que ça peut éventuellement faire, c'est qu'effectivement, tu vas perdre des bénéfices que t'aurais pu avoir autrement. Ça, c'est pas possible. Ça va dépendre de l'implémentation de ton réseau, de choses comme ça. Bon. C'est que si tu le fais aussi de manière non contrôlée et complètement anarchique, après, tu bypasses tout ce qui pourrait être load balancing, tu peux bypasser plein de choses comme ça. Et là, tu peux arriver à avoir un certain nombre de problèmes. Mais encore une fois, ça dépend, c'est très spécifique à chaque organisation et comment elle avance sur ces sujets-là, quoi. Tu peux avoir des équipes qui arrivent à s'auto-contrôler, à pas faire complètement n'importe quoi en mode YOLO et d'autres équipes. Au contraire, il faut être beaucoup plus carré sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Alors là, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi, à chaque fois, les équipes, quand on leur laissait faire ce qu'elles voulaient, la plupart du temps, elles faisaient rien. Donc, c'est. Non, mais là, c'est de l'infra. Il y a personne qui va venir truander. Il y a un autre truc. Ça peut te faire. Enfin, c'est des use cases à la marge, clairement. Mais il y a des use cases pour lesquels ça peut être intéressant. Genre, par exemple, tu peux gagner un hop de réseau. Ah, mais je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des cas où c'est utile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a deux qui le permettent sur une vingtaine qui le font. Mais ce que je dis et je l'avais déjà dit dans je crois la fois dernière. D'abord, essayez de faire vanilla. Faites normal. Benchmarkez. Faites des tests. Expérimentez, comme le disait tout à l'heure Nicolas. Renseignez-vous et à ce moment-là, après, vous pourrez faire des choix raisonnés. C'est-à-dire que c'est sûr, au début, vous ne ferez pas des bons choix. Vous allez changer une tonne de choses. Vous ne ferez pas, dès le début, un truc parfait. Mais au moins, vous aurez une métrique. Vous aurez du tracing pour savoir exactement là où vous perdez et là où vous pouvez gagner. Mais ça ne sert à rien d'optimiser à l'avance un truc où vous n'en êtes pas sûr. Moi, à mon sens, vraiment, il faut être vanilla au début et après expérimenter, après les dents de la custo, etc. C'est ça mon point de vue. Et donc, ça veut dire que partir dès le début sur du routage externe, etc., qui implique donc ton infrastructure de service discovery, qui implique la façon dont tu le fais, etc. Demain, si tu as envie de faire des politiques de droit d'accès, tu sais très bien qu'il va falloir aller dans tous tes clients pour aller en gros patcher ça. Enfin, c'est alors que le faire dans l'inverse, c'est-à-dire ouvrir des pods et dire bon là ton besoin, t'as vraiment, je sais pas, chez Criteo par exemple, il y avait un besoin énorme de hop pour aller atteindre parce qu'il y avait vraiment une logique de latence, avoir ce type de technologie dans un cas précis, dans un Kubernetes précis qui a un usage très spécial, ça me paraît normal, mais pas forcément de généraliser à toute la prod. C'est ça en fait mon show, c'est faire de la suroptimisation, de la surengineering en amont, ça me paraît être un anti-pattern. Mais c'est peut-être ma vision et peut-être que je trouve ça trop compliqué de base. C'est, voilà, c'est mon opinion en tout cas. Ouais. Voilà, je trouve ça de l'overengineering. Super. Ça me va. Et pas mieux. Dernier sujet, on va essayer de faire ça pas trop long. C'est là pour le coup, c'est un sujet que moi j'avais envie d'amener sur la formation. Et en fait, ça raccroche un peu certains des wagons dont on a parlé juste avant. En fait, c'est comment on forme à l'utilisation de Kubernetes. Souvent, les formations que j'ai trouvées et que j'ai vues sur Internet ressemblent beaucoup en fait à une liste à la Prévert de ce que fait Cube, c'est-à-dire les différents composants, les manifestes, enfin tous les objets qui existent qu'on peut mettre dans l'API et un Hello World. Globalement, ça ressemble pas mal à ça les formations qu'on trouve. Là déjà, dans ce que j'ai dit. Ce que je trouve, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a parlé d'un Hello World et on a parlé, par exemple, des composants. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement différenciées. C'est-à-dire qu'on peut connaître les composants Cube et pas savoir faire un Hello World qui va dedans. Et on peut savoir faire un Hello World sans avoir besoin de connaître les composants. Composants, quand je parle de composants, c'est l'API serveur qui parle à l'OTCD. Je pense que quelqu'un qui fait un Hello World n'a absolument pas besoin de connaître, savoir qu'il y a un OTCD dans l'histoire. Personnellement, en tout cas. Donc là, la réflexion que je voulais avoir, c'était plus qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer donc cette notion de formation à Cube. L'idée que j'avais en tête, c'était peut-être de diviser ça en trois parties. Et là, vous allez pouvoir donc après me donner votre avis. C'est une formation dédiée aux développeurs. Et là, ça rejoint avec l'histoire de Scaffold, etc. C'est comment on développe dans Kubernetes. Ça peut être donc, vous faites du Docker Compose et après vous allez en prod. Enfin bref, ça dépend sans doute beaucoup du business, ça dépend beaucoup des technologies employées, ça dépend du contexte. Mais plus être orienté donc sur des développeurs. L'avantage en faisant ça, c'est que d'un coup, on a partagé quand même une base commune entre développeurs et le reste des ops et des SRE/DevOps. Faire en sorte qu'un développeur, quand on le parle manifeste, il sache à peu près de quoi on parle. Qu'il soit pas complètement perdu et qu'on soit obligé de mettre tout en fait dans la CI pour masquer le Kubernetes, comme souvent je le vois. L'argument étant, de toute façon, le développeur, il sait pas ce que c'est, il a pas envie de savoir, etc. Là, on pourrait avoir une formation en fait qui vraiment est dédiée à lui et à son échelle. Le deuxième, c'est l'opérationnel. C'est vraiment comment on déploie un cluster Kubernetes. Nicolas, t'en as parlé tout à l'heure sur maintenant il y en a des choses qui améliorent le déploiement, les kubelets, la config kubelet, etc. Donc là, on a toute une partie, et ça, c'est vraiment un truc qu'un développeur s'en fout de savoir qu'on peut reconfigurer le kubelet à la volée grâce à un config map bien branlé. Mais ça, c'est un truc ultra important pour un opérationnel, le gars qui va être réveillé à 4h du mat, qui a besoin de savoir où est-ce qu'elle est sa conf. Donc ça, c'est une deuxième partie. Et après, la troisième partie que je vois, c'est vraiment le entre-deux, en fait. C'est... est-ce que un développeur a vraiment besoin de savoir ce que c'est qu'un ingress? Je pense pas. Est-ce qu'un ops a besoin d'aller le dire au dev? Pas vraiment. Et là, on introduit le rôle du SRE à la Google, c'est-à-dire vraiment celui qui est chargé de la disponibilité du site, disponibilité du produit. Et donc à lui, on va pouvoir donner des composants autres, lui apprendre comment il peut utiliser Kubernetes pour augmenter sa disponibilité, que ce soit via des volumes persistants, que ce soit... en fait, pouvoir lui apprendre plus tout ce contexte-là, là où un développeur, lui, ce qu'il veut juste, c'est que ses données soient écrites à un endroit. Là, le SRE, lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est qu'est-ce que j'utilise comme type de volume, comment je déploie, est-ce que je peux avoir un autoscaling aussi, parce que un SRE peut avoir ce rôle-là aussi, de diminuer le coût de son infrastructure à un moment donné, etc., etc. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez cool, un point aussi sur les développeurs auquel on en parle assez rarement, mais tout ce qui est la notion de cron, de job, en fait, à partir du moment où un développeur sait que ces composants-là sont disponibles assez gratuitement, en fait, quand on a un Kubernetes, il va peut-être arrêter d'utiliser des composants internes à son code où il avait ses propres boucles internes à son code pour faire des opérations cronées. C'est un exemple. Et donc, en fait, là, voilà, c'est ça, moi, là, les pistes que je vous dis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai quelques pistes côté développeur, parce que pour le coup, c'est une partie de mes semaines en ce moment, c'est d'aider des gens à monter dans ce train-là. J'aime bien la métaphore avec les trains, maintenant que je bosse chez la SNCF. Y a plusieurs trucs, moi, que j'ai remarqué qui marchent ou marchent pas. Les développeurs, déjà, quand tu dis faut leur expliquer un manifeste, etc., il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a apprendre à faire des manifestes d'un côté, c'est utile de. Je pense que les développeurs sachent écrire des manifestes, même s'ils sont pas au taquet sur les trucs un peu avancés de tuning sur par exemple les annotations pour donner des instructions ou ce qui dure, un truc comme ça. je pense que c'est bien qu'ils sachent écrire les manifestes eux-mêmes pour comprendre comment ça marche. Par contre, sur qu'est-ce que ça change pour leur application, quand, au lieu d'écrire du manifeste, écrire du code, moi je leur dis surtout, écrivez pas votre application pour Kubernetes. En fait, faut justement que l'application elle ait aucun contrat d'interface, aucune spécificité liée à Kubernetes, parce que c'est vraiment l'esprit, c'est de dire on s'intéresse au 12 factor, les points d'entrée, on les standardise avec des mécaniques qui existent bien avant Kubernetes et qui existeront probablement après, les variables d'env, les flags, des trucs comme ça. Quoi, Kubernetes va finir ? Peut-être, on ne sait jamais. Les logs, c'est pareil. Je veux pas de trucs bizarres. Ça peut être soit vous écrivez sortie standard, soit on va vous filer un endpoint et vous ferez du syslog si vous avez une librairie qui fait des logs ou quoi que ce soit. C'est bien de loguer en JSON ou en tout cas avec une syntaxe orientée field. Mais ça, c'est pas celui qu'a Kubernetes. Donc ça, non, c'est un premier point. Mais avoir, par exemple, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je suis le plus grand partisan de ce type d'organisation. Mais quand avant, t'avais pas un système de cron qui exécute des conteneurs. Et ben en fait, tu faisais un peu ça dans ton coin comme tu pouvais ou avec un cron encore plus moche. Maintenant aussi. Hein. Non mais justement, personne le sait en fait. Et je pense que la plupart du temps, c'est un manque d'information. C'est-à-dire, personne sait que c'est possible. Pardon, c'est pas ça que je veux dire. On a parlé des trucs pas trop secs et tout dans Kubernetes. Je suis pas sûr que ce soit. C'est pas un problème d'être sec ou pas, mais dans le mode surprenant, les cron jobs dans Kubernetes, c'est surprenant. Ouais. Quand je dis, faut pas partir que ça marche comme ça a l'air de marcher par le bon sens. Les cron, c'est un bon exemple. Un point que j'ai trouvé très important parce que on s'est viandé là-dessus, c'est quand vous allez dire à vos développeurs. On a un cluster cube, on va vous donner des accès pour jouer dedans, etc. Soyez prêts. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on leur vend, à moins que vous ayez des gens qui fassent de la veille, qui attendaient ça, la plupart, ils disent « Ouais, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Est-ce que j'y gagne, etc. » On a tendance à donner des arguments. Il y en a pas mal d'intéressants. Un des trucs, alors c'était peut-être une erreur, j'en sais rien, mais moi, que j'aime bien vendre, c'est de dire « On va standardiser... » pas mal de choses de l'infra, typiquement les metrics, t'auras juste à mettre deux lignes d'annotation dans ta déclaration de déploiement, et automatiquement, quand ton truc il démarre, t'as Prometheus qui va commencer à le poller immédiatement. On va dire, les logs, c'est décrit en sortie standard, automatiquement, t'as rien à faire, ça va dans un Kibana qui va bien, etc., sera parsé, indexé, propre et tout. Et c'est vrai que Kubernetes permet de faire ça, mais c'est du boulot. Aujourd'hui, il y a des solutions un peu pour le faire, des distrib et tout, mais toujours un peu des choses adaptées. Enfin, il y a du boulot pour les mettre en place, c'est pas 100% gratuit. Si ces trucs-là, ils sont pas prêts quand vous dites à vos devs d'aller jouer dedans, s'ils ont pas accès à leur log un peu bien, eh ben, vous passez pour des couillons et ça joue vachement. C'est en mode, en fait, ça vendait du rêve, mais il est pas là du tout. Et c'est bien de faire attention à ça. Je pense que c'est important de donner une bonne première impression. On peut avoir un wow effect avec Kubernetes. Regarde, t'as fait ton déploiement, je le déploie, ça marche bien, les logs ils apparaissent tout de suite, dans Grafana ça commence à bouger immédiatement, etc. Ça peut être, on peut faire une super démo et quand ça marche bien, c'est cool. C'est bien de pas, si on peut pas rater ça, je pense que c'est un gros plus. Et il y a un dernier point qui pour moi est pas évident à faire. Encore une fois, c'est d'expérience, c'est pas super. Kubernetes a un super système d'ACL avec les airbag. Donc sur le côté autorisation, c'est pas mal. Côté authentification, il y a plusieurs mécanismes proposés. Mais côté identification, vous êtes un peu à poil. C'est-à-dire que pour gérer les comptes dans Kubernetes, il y a deux familles de solutions. Il y a soit les solutions vendor qui ont été implémentées par les mecs, Google, il y a la sienne, etc. Soit des solutions un peu plus basiques, à base de mon API serveur, je lui file un fichier CSV avec des tokens en dur ou des logins de mot de passe en dur. Il n'y a pas grand-chose au milieu. La gestion des comptes, c'est un vrai sujet qui n'est pas du tout évident. Si vous faites du Kubernetes pas chez vous, on va vous l'imposer. Typiquement chez Google, c'est vachement lié au fait d'avoir des comptes Google, ce qui n'est pas forcément idéal. Ouais, mais maintenant, tu as une VM Debian, donc ça vaut peut-être le coup. gratuitement. Ouais. Ouais. Ouais. Mais avec 5 gigas de stockage, mec. Ouais. J'ai fait une formation qui parlait de ça il y a vraiment pas longtemps, genre hier soir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, enfin, donner des comptes à tout le monde, c'est pas aussi simple que ça s'en a l'air. Si, y a une, faut, si votre votre contexte n'est pas aligné avec un truc qui marche direct, ben, potentiellement, vous allez galérer. Alors, pour recentrer, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là, en fait, je parlais plus du... En fait, là, tu parles des problèmes qu'a Kubernetes. Là, c'est vraiment plus sur la notion de formation. Comment on fait pour faire en sorte que les gens... Pour moi, ça, c'est des prérequis pour faire une formation qui marche aussi, toi. Enfin... Non, alors oui, enfin, il faut que ça marche. Oui, enfin, c'est je suis d'accord. Mais même, on pourrait avoir un truc où... on pourrait même quasiment enlever le wow effect pour des développeurs en gardant la stricte moelle essentielle. C'est-à-dire de se dire, enfin, moi, là, dans la séparation que j'avais, par exemple, il y a assez peu de wow effect pour un développeur. C'est-à-dire que partir du développeur pour essayer de faire en sorte que ce soit lui qui ait l'attraction, je crois pas que ce soit bien. Par contre, que le SRE et l'Ops soient contents, sachant que le SRE est souvent, en tout cas, j'espère, un dev. Ouais, je voulais revenir sur son histoire, là, parce que plus tu le développes et moins je vois le mapping dev SRE ops dans ton truc. Alors bon, les termes ne veulent rien dire. DevOps, SRE machin, ça a été trop employé pour dire trop de choses différentes. Mais donc les ops, je vois très bien. Ok, ils opèrent le cluster. Donc eux, ils zonent le cluster, etc. Ceux qui le déploient quand il est cassé, ceux qui le réparent. Ils mettent en place, par exemple, les volumes provider. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Enfin bon, bref, ils font toute la le réseau. Le réseau. Donc, ils mettent du BGP partout et tout, parce qu'ils sont sympas. Parce qu'ils sont ops. Voilà. Et donc, une fois que tout le BGP marche nickel et tout ça, machin, il y a les gens qui l'utilisent. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. C'est les users. Et je comprends pas quelle est la troisième catégorie que tu as créée, en fait. Bah, en fait, le SRE est un user. C'est juste, ça va être celui qui va être le lien, la passerelle, justement, entre. En fait, c'est celui qui va connaître le plus les petits détails d'implémentation de Kubernetes. C'est lui. Ça a l'air d'être un senior dev, en fait, ton SRE. Ouais, c'est ça. Bah, c'est SRE, enfin, genre, purement et basiquement SRE de chez Google, quoi. Enfin. Je suis pas sûr parce que, genre, c'est plus une sorte d'organisation. Mais enfin, bon, bref. Si jamais t'avais écouté le numéro de DevOps, t'étais là ou pas d'ailleurs? Mais oui, j'étais là. Bon, bah alors. Mais je suis pas là pour avoir un débat. En fait, vraiment, le SRE, en fait, moi, dans la notion, en fait, il peut y avoir des gens qui font partie des deux formations. Mais je pense qu'il y a plein de développeurs, par exemple, qui sont contre-table de savoir qu'il faut déclarer des volumes de telle façon, ou qu'il y a des ingress et qu'il y a des options bien spécifiques à mettre dedans, ou qu'il y a, je sais pas encore, j'avais listé un peu tous ces types de composants-là. C'est des composants extrêmement importants pour que ton application elle soit disponible, qui sont là-bas. Si jamais tu les as pas dans ton cluster cube, juste ça va merder. Non, mais attends. C'est un intégrateur, ton SRE, là, j'ai l'impression. Non, mais ouais, non, exactement. Mais... Enfin, c'est, non, c'est... mais si tu reviens dans un truc plus 21e siècle, type... Bon, j'arrête de troller. Non, mais comment tu maries ça avec le DevOps, en fait, ton histoire-là? Bah, c'est exactement ça. En fait, le DevOps, à mon sens, c'est la définition claire des PI entre les deux et faire en sorte qu'il y ait un travail en commun. Là, quand je parle de formation entre les trois, j'espère qu'après, quand ils vont travailler au quotidien, ils vont se parler entre eux. Une formation, ça n'empêche pas, après, le soir, que tu as le droit d'aller prendre un verre avec eux et à la pause café le lendemain, donc, tu travailles ensemble. Est-ce que je peux te suggérer un renommage? Tu vas me dire ce que t'en penses, qui serait, donc t'as une catégorie qui est opérateur, et après t'as une catégorie qui est user, et une catégorie qui est super user ou user avancé. Justement, en fait, c'est un peu ça la question que je me posais. Est-ce que t'as vraiment envie que ce soit user avancé? Je sais pas, parce qu'en fait, il y a vraiment une logique. Par exemple, quand on parle des développeurs, il y a la logique de comment tu te déploies dedans. Enfin, moi, je vois, par exemple, si jamais il y avait ce type de formation, ce qui m'intéresserait, c'est la logique du milieu. C'est-à-dire, je suis pas un super utilisateur, c'est juste, je suis quelqu'un qui... Mais non, en fait... Enfin, c'est la définition du super utilisateur, en fait. Mais en fait... C'est un utilisateur qui a la compétence pour... Oui, mais où je manque des compétences de user. Parce que, par exemple, le développeur, lui, ce qu'il va vouloir connaître, c'est scaffold, etc. Que moi, c'est des compétences que j'ai pas forcément à avoir. En fait, c'est ça, en fait, le truc. C'est que je trouve... On peut trouver un moyen, par exemple, aussi, dans les développeurs, il y a quelque chose d'assez important, c'est leur parler du 12 factor, de comment on log vraiment dans sa librairie à lui, en peu-cheu-peu, en... Mais là, tu sors Ruby, de etc. une formation Kubernetes, quoi. Ben non, en fait, c'est important pour faire en sorte que les gens puissent travailler avec. En fait, ça dépend du milieu de maturité de tes développeurs, mais si jamais tu leur parles pas 12 factor, si jamais tu leur parles pas comment loguer, si jamais tu es sûr et certain que ton projet, il va aller droit dans le mur. Ouais, ça, je suis d'accord. Alors que pour le SRE, ce qui est important, c'est comment tu fais en sorte que son application, si jamais il y a un nœud qui crache, son application, elle continue d'être maintenue. Ben, le SRE, il a envie de connaître les limitations aussi. Il a envie de connaître la sécurité. Il a envie de connaître les network policy. Il a envie de connaître tout ça. Hmm. C'est pas... Alors, c'est plusieurs trucs séparés. Parce que genre, typiquement, dans mon exemple, les devs back-end qui vont déployer dans le cube... Le but, c'est que ce soit eux qui soient responsables du run de l'application. Donc, ils vont quand même avoir un certain nombre de trucs qu'ils vont vouloir comprendre. Genre, typiquement, c'est quoi les patterns de résilience? Ça va les intéresser. S'ils veulent venir faire la formation SRE, c'est cool. Enfin, moi, justement, c'est normal que j'allais faire plus ou moins. C'est pour ça que je te dis, la frontière est tellement poreuse que pour moi, c'est vraiment genre... un même profil avec deux niveaux d'engagement, d'expérience, de... Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on n'est pas SRE, enfin, on n'est pas développeur. C'est la chose très importante, enfin, en tout cas, moi personnellement, je sais que je suis pas assez développeur pour être SRE. C'est que je pense que quelqu'un, en fait, dans ton équipe dont tu parlais, tu pourrais avoir deux personnes de ton équipe, en gros, tout le monde fait la formation dev, et deux personnes font la formation SRE parce qu'ils vont être plutôt avoir de l'appétence pour ce type de sujet. D'accord. Mais je pense que tous les développeurs ont pas cette appétence. Je vais le reformuler de manière à ce que ça soit plus compréhensible, je pense. Si tu viens et que tu proposes ces trois formations-là, t'auras des gens à la formation Ops, t'auras des devs à la formation Dev, et la formation SRE, je sais pas qui t'auras, mais t'auras pas des devs, ça c'est sûr. Si tu les appelles comme ça. Ah mais c'est pas la nomenclature, enfin la nomenclature, je peux appeler ça DevOps si jamais t'as envie de mettre un nom. Pareil, ils viendront pas. C'est autre chose. Alors, en fait, moi, je visais plus toi, en fait. Je suis un peu à ça, c'est que tu disais potentiellement savoir comment marche un ingress, et du coup, je pense un service, ça peut ne pas concerner les devs. Pour moi, c'est gênant qu'un dev soit pas capable de déployer, en fait. Parce que si tu sais pas comment marche un ingress ou un service, tu peux pas déployer une application qui... Enfin, si tu sais pas écrire un manifeste de ça, tu peux pas écrire une application qui soit utile, utilisable, en tout cas, qui peut recevoir du trafic de dehors, ce qui est gênant. Ouais, si tu veux définir les frontières externes du contenu de ta formation dev, à mon avis, le bon use case à utiliser pour savoir si t'as bien mis tout ce qu'il y avait dedans nécessaire à leur travail, c'est est-ce que cette personne-là, avec tout ce que tu lui as appris, elle peut déployer un nouveau service toute seule. Alors, l'exemple de l'ingress n'est pas forcément le meilleur. C'est pour ça que je parlais plus des network policy. Il y a un autre exemple que tu as donné qui marche à l'envers. Par exemple, tu disais les network policy, ça peut être un truc qui concerne que les opérateurs. Alors, j'ai jamais parlé de ça, en fait, justement. Je pense que d'ailleurs, les network policy, c'est pour les SRE. Les SRE, ouais. Mais justement, en fait. Si t'es pas dev, tu peux pas les écrire, en fait, parce que tu dois mettre des notions applicatives dedans, genre tes ports ou des machins comme ça. Donc, un mec qui est loin de l'application, il pourra pas forcément les écrire. D'où le SRE. Mmh. C'est, en fait, pour moi, le SRE, c'est faut dans la notion... Le dev, au moment où il écrit son code, il doit savoir avec quoi ça parle, en fait. Et donc, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais le truc, c'est qu'on pourra pas demander à tous les développeurs d'avoir ces connaissances. Enfin, peut-être que là, je me mets le doigt dans l'œil, mais si jamais on demande à un développeur d'avoir une connaissance très approfondie de Kubernetes pour pouvoir commencer à faire quelque chose dessus, on va pas y arriver. Parce que même, d'ailleurs, ils ont pas une appétence, forcément, tous là-dessus. Et c'est ni bien ni mal. Ils ont d'autres choses qu'on connaît pas et ils écoutent d'autres podcasts que celui-ci. Moi, ce que je veux par contre, c'est qu'on puisse avoir une sorte de langage commun. C'est d'avoir quelque chose. Les services, oui, c'est quelque chose qu'un développeur doit connaître. C'est quelque chose d'ailleurs qui doit être de base pour tout le monde. Mais après, en fait, je pense que en faisant un cours, par exemple, je vais y arriver. À mon avis, avec une compréhension non approfondi, genre standard, de comment fonctionne un déploiement, un replica set, un pod, un service et un ingress, les devs ils sont perchés. C'est-à-dire qu'ils ont pas c'est pas eux qui doivent faire le design de comment on fait le renouvellement des certificats Let's Encrypt dans notre ingress controller à nous qu'on sert sous les aisselles l'équipe que toi t'appelles SRE. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, ou l'équipe Ops, ou whatever. Mais bon, bref, ça, c'est pas leur problème. Donc, savoir ce que font les objets et à quoi ils servent, la base. Par contre, typiquement, l'objet Network Policy, là, ou Security Policy, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça me semble être le genre d'objet qui est plus maîtrisé par les devs que le reste, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que... dans le monde futur... Alors, SRE, quand je mettais vraiment le terme SRE, enfin, toi, par exemple, chez Le Bon Coin, tu travailles normalement en étroite collaboration avec les développeurs. Normalement, t'es d'ailleurs plus avec les développeurs qu'avec une autre équipe. Ouais, alors, ça, la théorie voudrait ça. Voilà, la théorie voudrait ça. Bah, en fait, j'espère que... Enfin, en fait, quand tu t'adresses à quelque chose, tu t'adresses un peu à la théorie. En fait, ce que je vois, moi, c'est que la formation dev, elle doit s'intéresser à les développeurs avec qui tu travailles. La formation est dont tu peux faire partie, c'est-à-dire pour savoir ce qu'ils ont entendu, etc., tu viens en plus. Toi, après, il y a une formation spécialement dédiée au SRE pour connaître vraiment plus les composants de sécurité. Ah, ouais. Parce que il y a la sécurité dont on a un peu parlé, mais il y a aussi les métriques, la métrologie, etc., etc. Enfin, il peut y avoir potentiellement, on peut aller très loin en fonction des besoins. Et après, il y a l'équipe de vraiment les gens qui mettent en place le cluster. Donc en fait, même dans nos équipes autour de nous, là à l'heure actuelle, je vois pas qui j'adresse pas. Il y a les DBA que j'adresse pas et les. Les DBA, ce sera des users quoi. Voilà, mais spécialement, je les adresse pas. Et d'ailleurs, non, je pense qu'il serait mieux en SRE un DBA, puisque le but d'un DBA, c'est que son application elle soit tout le temps résiliente, plus qu'un développeur. Ouais. Parce qu'en fait, un DBA développera rarement sa base de données. Enfin, tu vois, il l'installe, il la connaît, il la configure, mais il fait pas des développements de Postgres dans Cube. Hein, tu vois, enfin, rarement. Voilà. C'est pour ça que moi, pour un DBA, il serait plus dans la formation dite SRE. Peut-être pour ça d'ailleurs que le terme est pas juste, comme tu le dis. Moi, ça me semble vraiment pas déconnant ce découpage en trois tiers. En fait, moi, vraiment, à l'usage, je vois le fait que, bon, les devs, évidemment. En fait, les devs et les ops, c'est les deux tiers les plus évidents. Le truc du milieu, en fait, ça me semble pas déconnant parce que il y a vraiment des objets qui sont importants pour qu'une application marche bien et dont les devs peuvent ne pas connaître et on n'a pas forcément besoin d'eux pour les configurer. Il y a des objets qui sont aussi importants pour que ça marche bien, qui, à l'inverse, ont besoin de connaissances un peu proches de l'application, mais dont les ops se foutent. Donc, il y a probablement... ce découpage-là me paraît pas complètement déconnant. Je pense pas que le truc du milieu, ça soit à plein temps sur une seule application, évidemment. Et je pense qu'un bon moyen de designer un peu ces... Qu'est-ce qu'on dit dans ces trois canaux ? Ça pourrait être... un axe parmi d'autres, ça pourrait être de prendre tous les objets de base et déterminer qui a besoin de s'en servir ou qui a besoin de les configurer. Et sur les classiques qu'on a dit, service, déploiement, etc., ça va être facile. Mais les moins connus qui sont pourtant très importants, type les PDB, les pod security spec ou template, je sais plus, les limit range, des trucs comme ça. Ça, pour le coup, c'est des choses qui sont plus pour les gens de la team du milieu, quoi. Et je pense que ça peut être un bon moyen de partir de ça pour un peu structurer qu'est-ce qu'on dit à chacun, quoi. Je suis d'accord. Bon, bah voilà, on finit presque sur un consensus. C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, merci à tous d'avoir écouté. Je pense qu'on va se retrouver. Le prochain, ça va être un DevOps, parce qu'on va essayer de faire une fois sur deux. Donc, n'hésitez pas, tenez-vous au courant, regardez un peu l'actualité Kubernetes, développez, patchez, hackez, faites tout ce que vous pouvez et bien. Et voilà. Bah, on vous dit au revoir. Au revoir. Bisous. Salut. À toutes.